Bonjour et bienvenue à présent à un entretien avec Mona que vous pouvez voir à l'écran et vous pouvez m'entendre, donc c'est David qui est au micro et pour la première fois, on expérimente un concept ce soir de réponse aux questions du public. Donc on va aller dans une dynamique différente de celle de d'habitude. Donc tout d'abord, Mona, ça va bien? Oui, bonsoir. Oui, très bien. J'espère que tout le monde va bien dans ce temps extrême de la planète. Oui, c'est sûr, en ce mois de décembre de l'année 2020, au moment où est enregistré cet entretien, nous sommes en pleine crise du coronavirus. Et avant de débuter à proprement dit, je tiens à mentionner aux gens qui nous écoutent auraient de l'intérêt de suivre des cours de yoga et également de pilates thérapeutique que toi, tu en offres toujours présentement. Et que. Vacances, David, quand même. Oui, pendant le temps des fêtes, mais je veux dire, tu vas reprendre pour le mois de janvier de l'année 2021. Si je suis là. Oh! Donc. On ne sait jamais. Oui, exactement. Il ne faut rien prendre pour acquis. Après tout, cette année, Marc de la Salle est décédé. Donc. Je peux décider aussi d'être plus là. C'est ça que je veux dire. Ben, c'est ça, tu peux arrêter de donner des cours aussi, là. Mais bon, je voulais quand même mentionner aux gens que ça intéresse que je vais laisser d'ailleurs les coordonnées en bas de l'enregistrement présent. Donc, par rapport à ton centre de yoga, les coordonnées, est-ce que tu peux les donner en audio? C'est simple, oui. La seule façon de me rejoindre, c'est par courriel en allant sur mon propre site au www.yogacentre-cite.com. Et le courriel est là, vous m'écrivez. Essayez d'éviter le texto, Facebook, Messenger, Zoom. C'est bien compliqué. Alors, une seule adresse pour pouvoir communiquer avec moi. L'autre aspect aussi que je veux mentionner, c'est que j'ai commencé à faire du coaching en psychologie évolutionnaire. Excellent. Donc, utilisez les mêmes coordonnées là, s'il y a des gens qui seraient intéressés à une consultation de ta part. C'est ça. Excellent. Sinon, de mon côté, par rapport aux annonces, ben, je mentionne aux gens qui apprécient les entrevues que je fais au fil des semaines avec des invités ou les enregistrements aussi que je fais en solo. D'ailleurs, il y en a au-dessus de 500 que vous pouvez retrouver sur le web. Eh bien, vous pouvez me faire parvenir, c'est sûr, une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement à cet égard. Et puis, c'est sûr que si aujourd'hui on répond à des questions à des gens, puis vous avez vraiment apprécié les réponses, bien, raison de plus de m'envoyer une contribution financière là, en guise d'appréciation. Mais vous n'êtes pas obligé, là. Tu sais, les gens qui envoyaient des questions, vous n'êtes pas obligé d'envoyer de l'argent, là. Mais c'est, dans le fond, comment dire, s'il y en a qui en ont envie, bien, vous êtes les bienvenus pour le faire. Donc, les petites annonces sont faites. C'est sûr que je voulais mentionner aussi que tu as passé récemment à l'émission d'ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés à te voir en entrevue, ben, je mettrai également le lien là, de l'entrevue que tu as accordée à Richard Glenn, qui, dans le passé, avait déjà interviewé Bernard de Montréal là, dans le domaine de la conscience supramentale. Donc, j'ai visionné l'entrevue, je l'ai trouvée intéressante, puis j'avais le goût de le mentionner là, d'entrée de jeu s'il y a des gens que ça intéresse. Donc, sinon, c'est sûr que la formule de questions-réponses en lien avec le public, on a l'intention de la reproduire aussi pour notre prochain enregistrement, donc dans une couple de semaines. Donc, c'est sûr que s'il y en a présentement qui écoutent l'enregistrement et qui auraient envie de poser des questions à Mona, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le faire, c'est-à-dire en bas de l'enregistrement présent sur YouTube. Vous avez un espace dans lequel vous pouvez y inscrire vos questions. Et c'est sûr que pour ce qui est des questions que je vais lire par la suite avec Mona, naturellement, je me donne un droit de regard de faire un tri, une sélection. Puis, idéalement, les questions que je trouverais intéressantes que je sois posées, c'est des questions d'intérêt général. Donc, oui, peuvent dire aussi de le préciser. C'est sûr qu'ils peuvent rejoindre plusieurs personnes. C'est une question dehors du jeu. Exactement. Donc, des questions que plusieurs personnes qui peuvent écouter l'enregistrement peuvent bénéficier plutôt qu'une question plus d'ordre personnel qui pourrait être posée plus dans le cadre d'une consultation individuelle avec toi. Donc, ceci dit, là, c'est vrai, on commence. Donc, j'ai les questions devant moi. Je vais commencer par une question qui provient de Marie-Thérèse. Donc, elle demande, serait-il possible qu'elle aborde comment ne pas se faire vampiriser par autrui, c'est-à-dire ne plus être une éponge aux relations égoïques avec l'entourage familial, amical, au travail, et etc. C'est une bonne question. Comment ne pas se faire vampiriser? Je dirais que la première chose à comprendre quand on se fait vampiriser, parce que ça arrive à tout le monde, surtout quand on est en processus d'initiation comme la plupart des gens dont je fais partie, je m'exclus pas de ça, c'est de comprendre que même si on est déchargé de batterie, ça se recharge. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce que si on se met à haïr les gens qui nous vampirisent, on est dans le trouble. Et il faut penser que, il faut comprendre qu'une batterie ou l'énergie qu'on a se recharge. Donc, déjà, ça désamorce le drame de se faire vampiriser. Maintenant, la capacité d'arrêter de se faire vampiriser, c'est relié à la capacité de dire non à quelque chose. Je ne sais pas dans quel contexte cette dame peut se faire vampiriser, mais admettons que je croise quelqu'un qui veut me parler, mais que je sens que ça me vampirise puis que je me perds l'énergie. Ma première action, c'est de dire comment je me sors de là Exact. avec élégance. Donc, c'est dire non dans un sens psychologique, psychiquement, se dire non, là, ça convient pas. C'est de le dire. Ça peut être de dire je m'excuse, je peux pas t'écouter aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, je me retire ou excusez-moi, j'ai autre chose à faire. Il faut sortir de ça. Il n'y a pas de façon de régler ça autrement que dans l'action quand ça se passe. Il y a des gens qui vont toujours un petit peu venir nous voir pour nous vampiriser aussi. On est testé. C'est pas parce qu'on arrive à décoller de la vampirisation des autres que c'est jamais plus, ça retouche pas notre, ça vient pas nous retester non plus, là. Exact, parce qu'on peut sortir d'une relation où ce que quelqu'un nous vampirise, mais par la suite, il y a d'autres mondes qui sont astralisés sur Terre, là. Fait que tôt ou tard, ben les gens qui sont sous influence astrale peuvent chercher à nous vampiriser nos énergies vitales. Ouais, puis il faut vraiment saisir que c'est pas l'individu qui vient nous vampiriser, mais c'est des entités qui passent à travers l'individu. Fait que, t'sais, se faire vampiriser, ça peut être choquant. Des fois, on vient, excusez-moi l'expression, mes amis français ou les Belges et Suisses français, en Mais non, mais tabarnak. gêne-toi pas, t'as Non, pas à non, non, je blague, t'excuser, mais justement. on vient comme très agressif de se faire. Tu sais, des fois, on envoie des signaux, on est là. Ouais, OK. Tu sais, on envoie le signal qu'on veut sacrer notre camp, mais l'autre, c'est des entités, c'est que c'est manipulé pour te faire vivre ça, tu C'est sais. ça, c'est que des gens sont manipulés malgré eux, sont chevauchés par l'astral, puis ils vont chercher à te vampiriser, puis la personne n'en est même pas consciente. C'est ça le plus gros drame derrière ça, c'est que tu as Exact. des gens qui sont manipulés, comme des pions. Puis. Exactement, c'est vraiment une manipulation, puis ça cherche la te manipuler à travers si toi t'es manipulable. Fait que quand on est impatient, on vient en crise, en colère, tu te fais ramasser, t'es déjà dans la merde, là. T'es déjà en train de répondre à l'entité qui essaie de te vampiriser, que tu veux pas être vampirisé, puis là, il y a une communication bizarre qui s'installe, genre, voyons, là, tu sais, il y a un combat, voilà le mot que je cherchais, il y a un combat, ça, c'est, on arrête. Faut vraiment développer l'observateur dans ces moments-là. Quand ça arrive, tu te mets en mode d'observation automatique. Qu'est-ce qui me vampirise? Pourquoi ça vient me vampiriser? Puis comment je sors de là? Exactement. Mais c'est facile à faire avec des gens qu'on ne connaît pas trop. Mais là où ça devient touché, c'est quand c'est notre propre famille. Exact. Pour ça, je dis des fois, je dis, faut être. C'est pas de la générosité, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire, moi, j'ai une famille comme tout le monde que je vois pas tellement. J'ai coupé beaucoup avec la famille personnellement. Mais quand je vais dans ma famille, c'est sûr que je me fais vampiriser. Mais ça me dérange pas. Parce que je suis capable de me rebâtir dans le temps de le dire. C'est pas Ben, tu dans dis le que ça te sens. dérange pas, mais est-ce que tu quand même, quand tu étais avec eux, Mais est-ce que je tu me sens souffres pas pas seule. d'une lourdeur énergétique? Ben, je me sens fatiguée. Puis dans ce temps-là, je dis, bon, ben là, je suis fatiguée, j'ai mon voyage. Je vais aller faire dodo. C'est quand même pas pour dire à ma soeur, mange la marde. Excusez-moi, ça, moi, ça passe pas dans ma vie, ça. Il y a des liens que je peux couper, puis il y en a d'autres que je maintiens, mais à distance. Mais je peux pas changer la dynamique de ma soeur parce que là, moi, je débarque chez eux dans sa vie. Non, non, je voulais pas t'amener sur ce terrain-là. Par contre, le Non, point. mais je l'explique pour il y a du monde qui Oui. vit ça aussi, David. Ce que je veux dire, c'est qu'il Exact. y a des liens qu'on ne veut pas nécessairement couper totalement. Il y a des gens avec qui on peut couper, il y en a d'autres moins. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement. C'est inconscient le phénomène de vampirisation. Puis c'est ça, je te dis, une batterie, ça se recharge. Oui. Arrêtez de faire un drame avec ça. C'est sûr que si tu te sens vampirisé au point de tomber sans connaissance, puis tu es malade, c'est une autre histoire. Ça, et pour apprendre à. Il faut que tu coupes. Tu n'as pas le choix. Si ton couple te vampirise, mettons, tu as un conjoint, une conjointe qui te vampirise à l'os, mais là, à un moment donné, si ça ne se corrige pas, c'est sûr, il faut que tu prennes position puis couper avec ça. Ça demande de l'énergie pour couper. C'est dire non. Je l'ai dit dès le début. Il faut être capable de dire non. Exactement, ça demande une affirmation de soi puis une manifestation du principe de la volonté. Exact. Mais il n'a pas volonté qui veut. Je suis désolée, ça ne se passe pas de même. Non, mais des fois, quand les gens sauvent beaucoup, la volonté émerge, tu sais. Pardon? J'ai dit, des fois, quand les gens sauvent beaucoup, à force de souffrance, la volonté émerge, malgré eux, malgré ce que les gens, tu sais, qui pouvaient être doux autrefois, là, puis la façon d'être, puis vouloir plaire à tout le monde, mais à un moment donné, ils en ont tellement plein le casque qu'ils montent en colère. Oui, c'est correct. Puis c'est drôle, je parlais de ça aujourd'hui en coaching avec un individu qui veut pas qu'il veut pas, qui saisit mal l'idée qu'il faut aller jusqu'au bout d'un pattern psychologique pour s'en sortir. C'est-à-dire accepter d'aller dans la merde, mais avec lucidité. Ce qui est différent d'avant. Dans le sens que ton mental, tu sais, quand tu es éveillé, tu vois très bien ce qui se passe, même si tu es dans. On ne peut. Moi, là, je reviens toujours à ça, puis je sais que ça peut déranger des gens. Mais il n'y a rien qui s'intègre, c'est triste à dire, sans souffrir. D'accord avec toi? Alors, acceptons d'y aller, ce que moi, je suis moins rebelle qu'avant là-dessus, dans le sens que quand je vois que je suis dans une gimmick, ben j'embarque dans une gimmick, mais je reste lucide. Je sais que c'est une game. Je sais que c'est pas moi qui pense. Je sais qu'il y a un show qui se passe. Et c'est ça quand je disais, il faut se dégager. Faut être capable de s'observer, être ici, regarder ma main, je suis là, et jouer à la game dans Exact. laquelle je suis coincé temporairement, c'est temporaire. Ça, déjà, ça aide de pouvoir avoir du recul pour pouvoir corriger quelque chose. Si t'as pas de recul, c'est très difficile. Certainement, je voudrais y aller avec toi avec une autre question de Marie-Thérèse. Vas-y. Comment faire quand une colère arrive mais qu'on l'étouffe, comme on l'a si bien appris, et pareil pour la tristesse? Excusez-moi. Alors, prends-moi ça. J'ai parti à rire parce que ça m'a répondu quelque chose de trop. Je peux pas répondre. Je censure. Bon, OK, il n'y a pas de problème. Comment? Attends, je vais répéter la question. Comment faire quand une colère arrive, mais qu'on l'étouffe, comme on nous l'a si bien appris, et pareil pour la tristesse? Tant que t'es pas écœuré. Ça va continuer. Autrement Une colère dit, qu'on étouffe se tourne contre nous, tout simplement. exactement. C'est que l'énergie te revient dedans, mais encore une fois, on revient à faut souffrir jusqu'au bout du fait de ne pas être capable de sortir notre colère pour qu'elle sorte. Puis là, ce que je soupçonne ce que je pogne comme vibration quand la question est posée, si tu veux pas déplaire, tu es dans le trouble, ça va sortir. Ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Puis quand ça va sortir, bien ça va être une rage qui va radoter 22 événements depuis un an que tu as accumulés. Puis il faut même accepter que ça sorte, ça. On est. Exactement, mais c'est comme un volcan qui explose, quelqu'un qui accumule depuis plusieurs semaines. C'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai été confronté à une situation comme ça. Ben, la personne accumule, accumule, puis à un moment donné, Chris, ça peut plus, fait que ça explose, tu sais. C'est ça. Puis c'est correct. La personne doit ne pas juger ça, justement. L'eau chaude arrive après l'eau froide, tu sais. Autrement dit, on devient plus intelligent à travers la pratique, puis la libération de ces énergies-là. Bon, c'est sûr qu'idéalement, si tu es enragé, ce serait mieux d'aller faire le tigre dans ta cour après un arbre, là, mais c'est pas toujours disponible. Et quand on éclate, on éclate. C'est lâcher l'idée de jugement. Il faut sortir complètement du jugement puis accepter qu'on a. J'ai envoyé un tonne de marde à mon voisin, mettons, ou à quelqu'un. Bien, ça se récupère, ça, dirais-je. Je m'excuse, j'ai débordé, mais il fallait que ça a sorti de même. Mais Exact. accepter de vivre l'expérience, ça revient à ça, David, là. C'est ça, se donner le droit d'exprimer les émotions, puis laisser être la colère en soi, la laisser émerger en soi. Au début, c'est de la rage parce qu'on n'est pas habitué à sortir instantanément ce qui ne convient pas au moment où ça se passe. C'est Ça ça, au prend lieu du de temps. régler les choses à mesure, souvent les gens accumulent sur plusieurs périodes de temps, puis deviennent refoulés, puis névrosés, puis avec des vibrations lourdes. Oui. Puis quand ça nous habite, il faut accepter que ça ressorte, même si ce n'est pas parfait, ça ne sera pas. Je vous le dis tout de suite. Si vous n'osez pas être imparfaite, ça n'arrivera jamais. Puis il faut accepter que quelqu'un dise hey, t'es rock'n'roll en Christ. Ah oui, ben moi, je ne gêne pas pour utiliser des jurons ou même sacrés, En parce bonne que c'est québécoise. ça, parce que ça crée une vibration parfois de manifester la parole en utilisant les sacres. Ben, ce que je peux dire, c'est que je ne veux pas parler de moi, mais je sais que j'ai dû, pour libérer toute l'électricité qui m'habite, puis la dame parle de colère refoulée, ça devient de la Oui. rage, en fait. Ça a pris beaucoup d'explosions pour que je puisse trouver un territoire de centré qui avait de l'allure, que quand ça arrive, je peux le dire au moment où ça arrive. C'est autoritaire, la colère, mais c'est jamais explosif comme j'explosais dans le temps. Mais il a fallu que j'accepte de vivre cette explosion-là pour pouvoir toucher à ça. Fait qu'il faut rentrer dans la game. Puis à un moment donné, quand j'explosais, puis qu'après ça, je voyais des gars, ben, je disais excuse, je revenais, je m'excuse. J'étais totalement dans le tort, mais j'étais pas capable de retenir ça. J'ai manqué de contenance. J'appelais ça de l'incontinence émotionnelle. Je souffre d'incontinence émotionnelle. Excusez-moi, il n'y a personne qui m'en a voulu. Fait que ça répare. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas tant de danger que ça. On ne va pas se tuer avec une crise de rage. Ça ne tue pas le voisin non plus. Puis quand ça sort de même, comme il n'y a pas de hasard, comme on n'a pas de libre arbitre pour l'instant tant que ça, il n'y a pas de jeu, ça sort comme ça doit sortir, puis ça répond aux deux. C'est-à-dire que ça se peut que l'autre personne avait besoin d'une claque sur la gueule pour qu'elle se rende compte qu'elle était chiante, t'sais. Non, exactement. Ça peut avoir une fonction karmique qui va faire un équilibre avec une autre personne aussi, tu sais, un débordement. Exactement. C'est une pièce de théâtre, la vie, pour soi, mais les gens qui viennent vers nous, qui sont des événements, c'est aussi une pièce de théâtre qui joue pour eux, là. Et le même incident, mettons que la dame pétrait une rage pas possible, disant plus capable de t'entendre, ben, ça y sert à elle, mais pas pour les mêmes raisons que l'autre. Exactement. Puis c'est correct. C'est à toi individuellement de comprendre à quoi ça a servi ça. Laisser faire l'autre, hein, lâcher le cas de l'autre dans ce cas-là, ça aide beaucoup. Puis rester sur soi, puis dire moi, ça m'a permis de libérer ça. Oui. Voilà. Ensuite, une dernière question de Marie-Thérèse. Après ça, je vais passer à quelqu'un d'autre. Je suis contente que Marie-Thérèse existe. Il y a des questions? Oui, elle nous a amené des questions intéressantes. Comment mon eau fait ses rapports de force avec les plans et l'astral? Oh boy! Ça va être long! Comment, Mona? Comment elle demande ça? Comment Celle-là? mon eau fait ses rapports de force avec les plans? Elle doit parler du plan éthérique, là, ou du plan supramental, puis l'astral. Donc, dans le domaine du supramental, il y a des gens qui vont parler de rapports de force. Donc, comment composer avec ces plans-là pour horizontaliser la relation, puis pas se faire marcher ses pieds par eux autres ou exploiter? Oh, c'est du stock, mais là, c'est parce que c'est deux mondes. Là. Pour ce qui est de l'astral, c'est deux univers. Là. Personnellement, ce qui m'a toujours, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand j'ai intégré que je n'ai pas de libre arbitre, le jeu n'existe pas, puis que le show est bon. Ça, quand l'astral débarque, je peux donner un exemple. Ce matin, je me lève, je suis de bonne humeur, mon chum se lève, je commence à discuter de quelque chose qu'il ne veut pas entendre, et là, ça commence. Ça n'a pas pris de temps que ça a désamorcé parce que je suis consciente du show. J'ai fait. Donc, quand je travaille avec l'astral, c'est d'être toujours consciente que c'est C'est une pièce de théâtre pour me faire voir quelque chose. Fait que la pogne de ce matin, ça a duré même pas 30 secondes pour me faire voir que ce que je disais à mon conjoint qui me dérangeait, parce que instantanément, j'ai dit, quand tu fais ça me dérange. J'ai vu lien automatique avec mon père. J'ai dit, ah, c'est ça! C'est la même affaire que mon père me faisait vivre quand il y a. La game est terminée. Ça a duré 3 minutes. OK, autrement dit, ce qui te dérangeait chez ton chum, ton compagnon, c'était un comportement qu'il avait qui était similaire à celui de ton père? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun événement qui se présente à moi où je suis victime. Je ne suis pas victime. La vie orchestre parfaitement. Tout est orchestré pour m'amener à prendre conscience. Là, présentement, on est dans le vide des plures, là. Je ne sais pas si le monde s'en rend compte, mais on vit des morts psychologiques d'aplomb. Des gros morceaux qui partent parce qu'il y a un changement de vibration sur la planète. Tout le monde en peur de toutes sortes de façons. Alors, comme il y a un changement de vibration, puis qu'on est des êtres qui devront continuer, t'sais, la sixième race racine, c'est pas une blague, là, ça s'installe là. Donc, Ben là, on a le grand reset, mon or. Tu sais, on a une grande réinitialisation terrestre. awakeness, oui. Mais on est en train de se faire nettoyer astralement. On se fait attaquer de tous les bords, mais ça, Aïe. c'est pas tout. C'est tout bien organisé. C'est ça qu'il faut comprendre. L'astral, c'est pas mon ennemi, c'est mon ami. Je les aime pas, mais je sais à quoi ils servent. Oui, tu peux réaliser la fonction, mais là, de dire que c'est mes amis, moi, je trouve que c'est un peu fort, là. Un peu fort. Ben, sais-tu, David, je m'en viens pas pire. Je commence à comprendre qu'il faut les instruire. Combattre trop, oui, ça dépend des conditions. C'est sûr que si on m'agressait physiquement, le combat serait violent. Mais, puis je gagnerais, c'est sûr. Mais, oui, je vous le conseille, ça, je suis sûr. Mais quand c'est plus subtil, là, on est dans des petites guéguerres de coupe, le ton, le signe. C'est pas par hasard que ça arrive. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours garder l'idée que c'est envoyé par notre. Tout vient du contact, tout vient pour nous faire intégrer des choses. Intégrer, pas comprendre. Intégrer dans l'événement. Ça, c'est l'astral. Je parle vraiment avec juste. C'est comme ça que je OK, mais compose. peux-tu faire la distinction entre intégrer et comprendre, justement? Ben, qui comprend pas qu'on pollue sa planète, qui l'intégrer? On continue tout à rouler avec des gros chars pour faire semblant que rien. OK, ouais, l'intégration ici, tu passes par, tu t'en parles dans le sens d'une mise en action pour apporter un changement, plutôt que juste de le réfléchir, on le comprend intellectuellement, puis on bouge pas. Ben c'est ça. On sait qu'astralement, on se fait niaiser, mais quand on est dedans, on est pogné dans le jeu. Pas intégré. Exactement. Tant que c'est pas intégré, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se C'est répéter, ça ça, il va n'y a se pas de répéter. changement de Jusqu'à l'intégrer. comportement. Tant que ce n'est pas intégré, il n'y a pas de changement significatif de comportement au sein de l'individu. C'est ça. C'est ce qu'on OK. appelle être dans la matrice, puis on répète, puis on répète, puis on pète, puis on répète, puis on pète, puis on répète. Puis on est tenu de péter, on pète Oui, une bien, c'est coche, parce on que arrête de péter. les Français ou les Européens qui nous écoutent doivent savoir qu'au Québec, il y a une blague qui dit pète et répète, s'en va en bateau. Pète, tombe à l'eau, qui reste? Puis là, la personne répond. Il répète. Oui, c'est ça. Donc, pète puis répète, répète. s'en vont à bateau. Pète, tombe à l'eau, qui reste? Je la trouve drôle encore. Ouais, Ben, ben c'est ça. La réponse, c'est c'est répète. C'est ton une boucle papier, sans le fin. pattern. Pardon, J'ai dit excuse-moi. la réponse, c'est répète, puis c'est une boucle sans fin. C'est ça. Ce que des fois, je dis, c'est ce qu'on appelle tourner en rond, hein, dans la vie. Exactement, là. C'est comme une boucle sans fin sur l'ordinateur qui finit jamais par télécharger une page. Ça. Jusqu'à l'écœurement. Jusqu'à un écœurement total de ce mécanisme-là, mais pour pouvoir arriver à un écœurement total de mécanisme de tourner en rond, il faut être lucide. Il faut Exact. savoir que c'est une game. Exactement. Et à partir de là, mais c'est ça. Moi, ma game avec l'astral a changé le jour où j'ai accepté de rentrer dans la vie, d'accepter de vivre les états, mais avec lucidité. En sachant que c'est une game puis que c'est à finir. C'est ça, les plans nous manipulent à travers l'événement. Beaucoup. C'est ça le point. Manipule pour intégrer. Il ne faut jamais comprendre. Il ne faut pas être victime de l'événement. Des fois, on se positionne en victime. C'est inconscient. Ah, oh, pourquoi ça m'arrive à moi? Ça, je pensais que c'était réglé dans ma vie. Là, t'es faite. Cuit. Juste par la pensée comme ça. Il faut sortir de ça, dire bon, C'est quoi qui se passe? Le show est bon. Moi, je parle à mon. Là, la dame posait la question en parallèle, comment je fonctionne avec mon contact? Ben, c'est ça. C'est quand je me retrouve ici à checker un événement astralement difficile à vivre, là, je parle avec lui, là, avec chose en haut que je dis, là. Qu'est-ce que tu veux que j'intègre? Et la réponse est venue instantanément. Avec le temps, ça devient rapide, là. Au début, c'est pas toujours aussi clair, mais. Faut le pratiquer, c'est de la pratique. J'ai toujours dit qu'il faut se faire des muscles mentales, mais ça ressemble à ça. C'est des muscles mentales. C'est que qu'est-ce que tu veux que j'intègre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Puis à quoi? Puis ça m'a répondu très rapidement. Tu vois pas, ça a un lien avec ton père. Ton père était comme ça. Ah, OK, merci. Je savais automatiquement quoi faire pour désamorcer la game. Exactement. Tu as beaucoup parlé du rapport de force avec l'astral, mais là, si on l'amène sur le plan du rapport avec les plans de la lumière ou ton esprit ou ton contact, comment tu vas vivre ça? Je comprends même pas la question. Bien, elle parle du question du rapport de force, dans le sens de sortir de la dynamique dominant-dominé, c'est-à-dire au lieu d'être dominé par l'esprit, puis être manipulé par lui, mais comment fais-tu pour horizontaliser la relation, la modifier pour que ce soit un rapport plus Premièrement, égalitaire? pour mettre quelque chose de bien clair, là, Oui. ça reste la domination. Oh! Je suis désolée, là. Je suis pas rendue là, moi, en tout cas. Quelqu'un est peut-être rendu à plus être dominé, mais qu'elle soit dominée par l'astral. Quand tu sors du registre des lois de l'astral, comme initié solaire, en initiation solaire, appelez-le comme vous voulez, là. Mais quand tu tombes dans l'autre monde, il y a d'autres lois, puis c'est encore de la domination. Oui, mais éventuellement, si l'individu fusionne avec l'esprit, il est appelé à égaliser sa relation avec lui, donc ne plus être dominé par lui parce qu'il est devenu lui, vu qu'il a intégré son énergie. Présentez-moi un. Ben, il y a eu Bernard de Montréal. C'est ça. Je ne suis pas là. Je ne suis pas Bernard de Montréal, en passant. Et Je suis moi non Mona Yvan. plus. Mais c'est ça, c'est que pour l'instant, ce que je vois, c'est que mon ego convient maintenant avec la domination de l'esprit parce que je suis vraiment là-dedans. J'intègre vraiment que comme je n'ai pas de libre arbitre, m'en j'ai lâché prise là-dessus. Fait que convenir avec l'esprit, c'est plus facile. Parce que là, je sais qu'il m'amène aux bons endroits. Je suis une forme de téléguidage. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est comme ça. C'est une forme je reçois le cue. J'ai une vibration. J'ai l'énergie pour faire quelque chose que j'aurais pas sinon. Tu sais, c'est énergétique. C'est pas, je décide de faire ça parce que mon esprit me dit ça. Ça marche pas de même. Ça me parle quand je pose des questions, puis pas tout le temps. Des fois, ça va me répondre, passe ton tour. Exactement. Ne sais pas si je réponds à la question de David, puis je pars. C'est complexe comme. C'est pas complexe, mais il y a beaucoup de gens qui. Moi, je pense qu'on peut horizontaliser. Non, oui, c'est ça, horizontaliser Oui. l'échange. Ce que je parle avec mon contact, c'est plus comme avant, comme ça. C'est un petit peu plus de même. C'est ça, plus égalitaire que dominant puis Ben, je dominé. t'informe de mes besoins surtout. Ben, c'est essentiel pour que lui s'ajuste à toi. Chose, là, lâche le piton, là, j'ai besoin de ça. Puis ça lâche. Est-ce que c'est un échange? Oui. Mais je sais. Tu sais, quand un événement m'arrive et qu'il n'est pas le fun, je dis pas, hey, crise d'épée en haut, pourquoi tu m'envoies ça? T'sais? J'ai plus de guerre de même. C'est plus, ah, oh, pourquoi ça m'arrive? Ah, il me semblait que j'avais compris quelque chose. C'est plus ça. C'est, ah, oh, OK, j'ai ça. Il y a quelque chose à régler là. Fait que l'ego finit par convenir avec le mot esprit, je suis pas capable de dire ça, David, je suis désolée. Ben, il n'y a pas de problème. Avec le contact. Ben pour moi, c'est pas de l'esprit, en tout cas. Mais l'esprit, pour moi, ça demeure quelque chose de spirituel. Fait que, en tout cas, c'est ma vision, puis je veux pas partir de débat Non, non, là-dessus. mais c'est correct. Je vais utiliser le terme contact avec toi. C'est à travers les années de travail et de travail que l'ego intègre. Premièrement, c'est des plures qu'on nous enlève dans l'ego, des mémoires. C'est pas l'ego qu'on nous élimine en passant, là. N'oubliez jamais ça. L'ego, c'est un contenant dans lequel il y a des mémoires qu'on a mis dedans, de mémoires de vie antérieure ou ici, ça reste le mémoire. Fait que, tranquillement, le contact, ce qu'il fait, c'est qu'il te met dans des expériences pour vider ces mémoires-là, les éliminer tranquillement pour les remplacer par d'autres choses qui sont plus fluides, plus transparentes. On parle de transparence, bon, ben c'est dans Exact. ce sens-là. Mais l'ego demeure, c'est le feu, c'est la base même d'un récipient pour de l'intelligence. Donc, tranquillement, l'eau, l'intérieur de l'ego est nettoyé, puis il accepte tranquillement de dire, OK, on va aller de l'eau, on va y aller dans ton sens. Parce que de toute façon, la résistance coûte tellement cher, puis il faut l'expérimenter pour accepter d'aller vers ça. Parce que c'est normal que l'ego se bat pour dire, hey, j'existe, puis c'est moi qui décide. Oui, ben c'est ça, l'ego peut s'entêter puis résister à un mouvement, mais à un moment donné, il réalise que c'est une dépense d'énergie plus grande que d'aller dans le sens de la vie. Oui, puis il y a des événements qui se présentent quand on résiste beaucoup, fait qu'on peut comprendre que c'est là que l'ego est frappé de plein fouet. Puis, tu sais, parce que Bernard, on parle de Bernard qui est un être presque fusionné totalement, mais lui, ça y est arrivé d'une façon que j'en connais pas d'autres qui ont vécu ça de même, là. Pourquoi lui, c'est pas de nos affaires, moi je veux pas me mêler de ça, c'est sa vie. Mais c'est pas de même, ça va se passer pour nous autres, en tout cas pas. J'en ai pas d'autres, là. J'en connais pas d'autres. Ça se place. C'est un processus qui est très long, qui prend du temps, puis ça dépend des résistances, ça dépend de beaucoup de choses, dont la mémoire, de l'expérience de l'âme. Ça prend beaucoup d'incarnations. Il y a des jeunes âmes sur la planète qui sont un peu fofolles, là. Donc, quand tu es une jeune âme, il y a des choses à intégrer. Ça va avec tout ça, là. Oh, je suis-tu en train de répondre à la chose, David? Non, non, mais c'est correct. En fait, je veux t'amener sur une autre question. Ah oui, donc. J'ai Mr. Java Bali. J'espère que je le prononce comme vous. Java? Oui, Java Bali. Donc, qui a écrit ceci. David, je pense que ta question à mon oncle concernant la préparation, s'il fallait en faire une ou non, était plus quelque chose comme, dis-moi si je me trompe, étant donné qu'on se prépare un peu au pire et qui pourrait arriver, c'est-à-dire une pénurie alimentaire, est-ce que ça veut dire qu'on nourrit la peur? Parce que dans l'autre enregistrement, Oh, j'aime ça. Merci oui, pour la question, elle est bonne. c'est ça, ben Excellent. c'est ça, parce que dans l'autre enregistrement, pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte, bon, on parlait de la crise du coronavirus, puis j'avais évoqué la possibilité qu'il puisse y avoir une pénurie alimentaire. Puis là, en lien avec ça, ben, il pose cette question-là, donc de se préoccuper de la possibilité qu'il y ait une pénurie alimentaire, par exemple, dans les prochains mois, si la crise occasionne des conséquences importantes au niveau, entre autres, économique, est-ce que c'est de nourrir la peur d'agir ainsi? Se protéger, c'est toujours intelligent. Ça veut pas Oui. dire de se protéger, veut pas dire, comment dirais-je, si t'as, mettons que tu as pour trois, on reçoit de l'information que pour quelque temps, ça se pourrait qu'il manque d'alimentation ou qu'il y ait une pénurie alimentaire, que les. Bon. Admettons que c'est faux. Ben, mettons que tu as 4 mois de provision alimentaire. Je n'ai pas parlé de 4 ans, là. 4 mois de provision. Bon, au pire des cas, tu le mangeras plus tard. C'est pas de la peur, c'est intelligent de se protéger. Est-ce que c'est intelligent que je sorte dehors tout nu en hiver à moins 20? Est-ce que j'ai peur de geler? Un peu, oui. Pas que j'ai peur, c'est con. Non, c'est ça, c'est que tu as des réalités matérielles ou ce que Il c'est a un. jaugé, là, tu sais. Exactement. Tu sais, il y a une question de dosage, comme tu disais, hein, quelqu'un, par exemple, qui fait 4 mois de réserve versus 4 ans ou 40 ans, là. Oui, mais j'ai une personne que j'ai connue qui, à l'époque, il y a même quelques années, parce que dans les années 2000, on devait tous mourir aussi, le bug de l'an 2000. Et puis, elle a paniqué bien raide, puis elle s'est mise à accumuler, parce qu'elle achetait un bout de terrain avec un petit chalet, puis se sont mis à accumuler plein d'affaires, au cas où que la planète. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est un peu une même histoire. Puis moi, j'étais de même, tu sais, j'étais là, ben là, t'exagères, tu peux pas te protéger de tout dans la vie, hein, tu sais. Même ça, de toute façon, tu ne sauras jamais comment ça se passe, à mourir dans un événement quelconque. T'sais. Tu ne seras pas informé d'avance si tu vas là, tu vas mourir. Fait que moi, pour moi, je trouvais ça aberrant, mais je comprenais ça. Ça, c'est de la peur. Mais de se protéger, est-ce que c'est de la peur que de se protéger de quelqu'un qui nous vampirise? Non. Ça peut être même de la Quelqu'un. légitime défense. Ben, c'est se protéger. On est des êtres d'une. En tout cas, moi, je trouve qu'on est des êtres d'une grande sensibilité avec de la lumière. Tu sais, présentement, on est des êtres qui commencent à rentrer dans de la lumière. Hey, les mouches, là, ça court après ça, là. Regarde une mouche après une ampoule, tu vas voir que ça court. Ben, c'est un peu la même chose qui se passe au niveau des mondes parallèles. On commence à percer, puis il faut se protéger. Ben oui, c'est intelligent de se protéger. Non, c'est pas de la peur. Puis si c'est de la peur, ayez peur, protégez-vous quatre fois pareil. C'est pas grave, la peur. C'est pas confrontant. Quand la peur est nécessairement. Quand une peur doit disparaître, elle est testée. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu vas être mis sur le test. Mettons que moi, j'ai eu peur de prendre mon auto pour aller en car rouler 3 heures la nuit. Maintenant, je vais m'être pognée à le faire. Pour casser cette peur-là, Non, c'est c'est. ça. Tu sais, s'il y a un concours de circonstances, qu'il faut que tu ailles à l'hôpital d'urgence accompagner un enfant, ben, tu sais. Regarde, sur le test, je vais t'expliquer, je vais être transparente avec vous autres, les amis. Oui. Présentement, ils veulent m'envoyer à l'hôpital parce que j'ai un œil qui aurait un petit problème. Elle me tente-tu d'aller Non. à Surtout pas en temps de COVID. Surtout pas s'ils forcent les gens à l'entrée de l'hôpital à passer un test de COVID en plus. Et voilà où j'en suis. Et là, on m'appelle pour me dire qu'il faut que j'aille au CHUM bientôt. On verra rendu devant la rivière si je traverse la rivière, mais moi, le test PCR, on oublie ça, hein? Mais voyez-vous, je suis testée dans une peur qui est très subtile et vicieuse. Mais il faut comprendre le test, il faut comprendre la game. On va y aller à l'hôpital. Là, la fille a dit, voulez-vous aller à l'hôpital? Dans ma tête, ça a fait non! Puis j'ai dit, bien sûr! On verra. Je verrai comment moi je reçois l'information au moment où je suis dans l'expérience. Mais je ne voulais surtout pas aller à l'hôpital. La dernière chose que je voulais lire, c'est bien là. Non, exactement. Puis ça, c'est subtil parce que des fois, il y a des gens qui peuvent justement avoir allé à l'hôpital, puis d'autres non. Tu sais, comme Marc de la Salle, il aurait pu se faire opérer pour clarifier, tu sais, si par rapport à la tumeur qu'il avait à la mâchoire, si c'était cancérigène ou non. Puis il a dit non, je me fais pas opérer. Puis finalement, il n'est pas mort du cancer. Mais non, il est un peu plus rapide. Oui, exact. Mais c'est ça que je veux dire parce c'est quand j'ai reçu cet appel-là, que ça a été jusque-là, j'ai vu, j'ai fait comme ça, il doit y avoir une peur qu'ils veulent me régler. J'ai pas dit. Comprends-tu que c'est Exact. d'être lucide? Il n'y a rien qui nous arrive pour rien. C'est toujours pour régler quelque chose. Jusqu'à la mort. Physique. Ultimement. Mais physique, parce que n'oubliez pas qu'il y a que sur ce plan-ci qu'on meurt, hein, en passant. Marc, Oui. réponds-tu à la question de la personne? Ça Oui, répond-tu? je trouve que c'est bien. Se protéger, c'est toujours intelligent. Retenez ça. Protéger sa famille, se protéger soi-même. Quand on a un enfant, on le protège. T'es épais? Non. Un petit bébé, un petit enfant qui commence en bas de 10-12 ans, là, ils ont besoin de protection. Est-ce que c'est con? Non. Est-ce que c'est de la peur? Non. La vie est dure ça. Bien, c'est, dans un sens, c'est de l'intelligence pratique, t'sais. Exact. Par contre, c'est sûr que la dérive via la peur, c'est quelqu'un qui va sombrer là, dans la paranoïa, puis la personne, elle va vouloir se faire construire un bunker, puis avec des réserves, puis t'sais, quelque chose de démesuré, là, t'sais. Ça. Puis on le voit de toute façon quand on est lucide, qu'on tombe dans l'obsession, fait qu'on peut le casser. Il faut vraiment être dedans. Je parlais de ça avec quelqu'un aujourd'hui. C'est dans l'expérience qu'on est le plus intelligent. Que ça, quand on est en initiation, je ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde qui, présentement, je vais faire un parallèle un petit peu étrange. L'autre fois, il y a quelques jours, j'ai eu une vision intéressante. J'ai demandé aux gens, j'ai dit, coudonc, ça n'a pas l'air de vous stresser trop. Vous autres, le grand reset économique, là. Tu sais, le monde vive les consignes. De façon générale, les gens sont pas si en guerre que ça, là, à part moi, là, puis quelques heures. Puis je me fais répondre, ben ouais, pourquoi pas? Moi, la gueule me tombe à terre un peu. Ah oui, pourquoi pas? Mais c'est là que j'ai compris comment ça se passe, David. OK. Ces gens-là qui choisissent ça, ils vont le vivre, mais moi qui veux pas vivre ça, je vais le vivre aussi. Ouais, dans le sens que tu veuilles ou que tu veuilles pas, s'il y a un changement de société avec une mise en place d'un grand reset en Occident, ben on va le vivre pareil, tu sais. Par contre, ton regard, oui. Probablement, comme j'ai choisi autre chose, c'est vibratoire. Quand je dis qu'on choisit, c'est pas que j'ai choisi mon plan de vie tout seul. Là. Le plan de vie, on le choisit avant de s'incarner. Exact. C'est déjà défini quel bord on va prendre, de toute façon. Mais moi, je voyais, mais là, j'ai vraiment switché, les amis, je m'excuse. Mais. Il y a pas de souci à mon nom, mais ça, c'est un sujet qui est pas mal d'actualité, la question du grand reset. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui regarde les choses a priori, les 17 objectifs globaux, c'est super beau. Ils veulent éliminer la pauvreté, la faim dans le monde, l'accès à l'éducation, plus de justice, d'équité. Tu regardes ça dans un premier regard. Hey, wow! Ou tu es assez égoïste pour pas vouloir ça, Exactement, tu sais, puis c'est très inclusif, puis là, on va améliorer le sort dans le monde, réduire les gaz à effet de serre. toi? Non. Quand tu regardes ça a priori, au niveau de la forme, c'est super beau, mais c'est quand qu'on en regarde derrière que là, on peut se poser des questions. Ben, c'est parce que ça, une fois que c'est rentré, une fois que tu as accepté ça, c'est de l'esclavage. Et là, c'est là que j'ai compris. Les gens qui choisissent cette direction, choisir, mettons entre guillemets, que c'est un plan de vie, OK? Les Oui. gens qui vont prendre la direction de l'esclavage, que j'appelle, moi, c'est clair, je ne m'en vais pas là-dedans. Ça fait 40 ans que je travaille contre ça. Je ne sais même pas demain matin que je m'en vais là. Mais, ah, j'ai fait, ça veut dire qu'il y a deux mondes qui se créent. Puis là, je voyais que sur 70 ans et même moins, entre peut-être 50, 60 ans, des gens vont mourir. Puis ils vont se réincarner, ces gens-là qui ont choisi l'esclavage, une autre planète esclavagée. Parce qu'il y a d'autres planètes Terre, les amis, en passant. Puis Ouais, nous qui ben, avons oui. choisi autre chose, ben, on va aller s'incarner peut-être ici ou ailleurs sur des plans plus élevés en vibration. Mais c'est merveilleux. Ben, c'est une possibilité qu'il y ait certaines personnes qui n'ont pas encore assez saturé de l'esclavage sur Terre pour aller la vivre sur une autre planète similaire à la nôtre puis poursuivre l'expérience. Ben oui, puis c'est là je voyais vraiment qu'il y a des. On va monter en vibration, mais il y en a du monde qui vont partir dans d'autres directions, d'autres dans d'autres directions. Bon, ici, dans l'actuel, comment ça va se passer, je vous le dirai quand ça se passera. Je n'aurai pas l'information. Ça ne me donne jamais de réponse sur de la curiosité. Parce que vouloir connaître l'avenir d'avance, parce qu'on a peur. Oui, mais en même temps, pour revenir dans l'esprit de la question qui nous était posée, l'idée de, par exemple, faire des réserves de nourriture qui est en relation avec l'avenir, à ce moment-là, on agit en fonction d'un futur. N'est-il, comme la personne disait, n'est-ce pas une façon de nourrir la peur en se préoccupant de l'avenir? Non, moi je pense pas. C'est se protéger. Si j'avais attendu après le gouvernement ou ma job pour me payer un fonds de pension, je serais ça à marre. Est-ce que j'ai eu peur? Non, j'ai été intelligente, je me suis protégée. Exactement. Je peux prendre ma retraite. Je pourrais vendre puis prendre ma retraite. J'ai les moyens. Est-ce que je suis dans la peur parce que j'ai fait ça? Non. J'ai pas le goût de prendre ma retraite sur le bien-être social, voilà. Non, je comprends. Fait que Je ne veux pas dépendre de l'État pour prendre ma retraite. On comprend-tu que je n'ai pas le goût d'être infusé, d'aller boire du sang au sang de la vie? Ça, c'est du vampirisme. Ouais, c'est Faut ça. dépendre de l'État comme il nous le propose, là. Bien, c'est sûr qu'avec le grand reset, tout ce qu'on nous dit que les gens ne posséderont plus des biens comme des autos, des maisons, puis que les gens vont être heureux, bien, c'est une forme d'espèce de communisme mondial qu'on cherche à nous proposer avec une source déguisée de grand reset, comme si on montrait que c'était un progrès, là, tu sais, avec. J'embarquerais là-dedans, David Lévesque, ou n'importe quand, si c'était réellement ça le plan. Mais c'est pas ça. Le plan, Oui. c'est de nous faire nous présenter une belle carotte, Oui. puis ça va finir en gros tas de marde à l'autre bout. Parce que le tas de marde, ce qu'ils veulent vraiment, c'est de te contrôler sur tous les niveaux, puis faire abaisser la population mondiale à 500 millions plutôt que 8 millions point 5. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu veux ta. Là, c'est ton le gouvernement ou le gouvernement mondial qui va te payer ton salaire. Fait que là, s'ils disent qu'il faut que tu ailles te faire vacciner trois mois que tu veux pas, plus de salaire. Exactement. C'est exactement. C'est pire que le communiste, ça, Chris, là. Ça Pour va mon. créer de l'exclusion sociale. C'est un petit peu comme l'article dans le journal Métro. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il était question de la possibilité que si la personne ne se fait pas vacciner, elle ne pourra pas aller voir un spectacle au Centre Bell, elle ne pourra pas aller au cinéma, elle ne pourra pas prendre l'avion pour voyager, elle ne pourra même pas travailler. Ça peut aller jusqu'à ce point-là. Voilà. Ben, ils commencent déjà à en parler. Imaginez ce que ça va être quand si les gens en vont là-dedans. Ça va être le show. Mais c'est ça. Si les gens acceptent d'aller là-dedans, c'est le prix à payer, c'est l'esclavage total. Puis vous servez de cobaye pendant une coupe de vie. Je ne sais pas comment le dire. Là, ça sort de même. Mais. Puis moi, je ne sais pas. Je sais que je ne m'en vais pas là, mais je ne sais pas où je vais être. Je ne peux pas vous le dire. Ça se peut que je meure pendant une autre fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va Il y a arriver, mais je plusieurs pense scénarios. Tu sais, ce que... que je peux observer, c'est que Marc de la Salle, il est décédé au mois d'août, avant que la marde, excuse-moi l'expression, commence à pogner davantage. Tu sais, il part, puis annonçait qu'il allait avoir des événements de fin de cycle, puis ça faisait genre 9 ans qu'il me préparait à ça, puis il allait arriver ici, il allait arriver ça, puis ça va être très confrontant. Puis finalement, il annonce tout ça, puis là, il décède. Puis fait bye-bye. Ben c'est ça. Mais là, moi, j'étais un peu contrarié parce que c'est comme quelqu'un qui te prépare, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme lui, il m'accompagnait dans mon développement. C'est un petit peu comme quelqu'un qui suit une formation pour, je sais pas, moi, éteindre des feux. Puis là, on va dire, ah, il y a tel type de chaleur, il y a ci, il y a ça. Puis là, finalement, il y a un gros feu qui pogne, puis il s'en va. Fait que moi, je fais quoi avec le tuyau, tu sais? Peu trahi, hein? Comment? On se sent un petit peu trahi, mais c'est de la... Ben, dans un certain point, je trouve ça un peu plate comme situation. C'est sûr, je respecte Marc puis tout, là, mais c'est que ça tombe que c'est comme pendant des années de temps, parce que je l'ai interviewé là, quand même depuis 2011, on a parlé de plein de sujets, les événements de fin de cycle, on s'en revenait souvent une fois de temps en temps. Puis là, finalement, il y a un événement majeur qui arrive, puis là, il s'en va. Il n'y avait pas d'affaire là. En tout cas, Simplement. il est parti avant que excusez-moi l'expression, la marde pogne, là. Peut-être qu'il y a un autre job à faire, on ne le sait pas. Oui, on est de l'autre côté des coulisses, là, avec la régence planétaire, là. Peut-être qu'il aura accompagné des gens, justement, à faire face à ces situations-là, mais à un autre niveau Oui, que il y sur a le sûrement terrain. d'autres raisons que je ne suis pas très occulte. Personnellement, je ne force pas trop l'occulte chez moi, là, comme je ne cherche pas trop à savoir. Non, non, mais c'est bien correct. Écoute, je vais te relancer avec une autre question. Vas-y. Donc, Lison qui pose comme question, pourriez-vous développer sur le sujet des chandelles, peut-être qu'elle voulait dire des channels, là, des médiums, qui sont nés à partir de 1960, peuvent-elles faire quelque chose pour aider l'humanité? C'est dites chandelles, mais peut-être que c'est un... Tu sais, le logiciel de correctif français, puis là, c'est peut-être le mot channel qu'elle a voulu dire, puis il a marqué chandelle à la place, je sais pas. Je ne sais pas, mais chandelle, ça a du sens. OK. Dans les années 60, il y a eu des. C'est la première. C'est le début de ce que des changements qu'on parlait, 1969, chez Bernard, là, il y a eu sa fusion. Moi, je te disais, c'est le début des années 60 qu'il y a eu des nouvelles incarnations d'Atlante. Que moi j'appelle des chandelles, pas les, je parle pas de, il y a eu les Atlantes qui ont fait sauter le paquet parce qu'ils n'ont pas respecté les règles, mais il y a des Oui. Atlantes qui ont fui, qui ont survécu, puis qui se réincarnent présentement, qui sont des êtres d'une grande lumière, de lumière, ce mot-là m'énerve, là, mais Ben, c'est des bougie. chandelles, dans le sens où sont allumées. Les chandelles, j'aime mieux ça. Puis ça, tu sais, l'autre fois, puis j'ai connecté à cette question-là quand je l'ai vue, puis j'ai fait exactement ce qu'on expliquait quand je dis qu'il y a une masse critique sur la planète d'allumage qui doit se faire, des chandelles, pour que le nouveau rentre. Donc, ça peut répondre à la question de la dame, ça. Moi, c'est de même, je le vois, c'est comme ça que je le perçois, c'est que, puis en passant, madame, il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas de mission. C'est une fonction qui s'exécute avec ou sans votre volonté. Mais le simple fait que la personne soit là puis qu'elle soit une chandelle, ben, elle irradie une lumière, elle irradie une vibration qui peut participer à la mise en place dans l'éther de la Terre, à l'émergence justement là, d'une autre vibration, une autre humanité là, en proportion, là. C'est ça. Ça va être des futurs récipients d'énergie nouvelle qui vont rentrer sous les chandelles qu'elle parle. Et c'est le ménage, il y a un ménage qui se fait comme tout relié. On est en train de se faire nettoyer pour augmenter la vibration et absorber de l'énergie. Exactement. C'est sûr que présentement, dans le cadre de la crise sanitaire, avec toutes les mesures, puis le lavage de mains aux entrées de commerce, on se fait nettoyer. Ah, on est plus propre que ça, tu meurs. Ben là, c'est ça, là, tu sais, j'écoutais D'ailleurs, le... j'ai plus de bactéries à vrai. Ben c'est ça, t'as plus rien, t'as plus de virus, t'as plus de bactéries, t'as quasiment plus de peau, parce que ça brûle la peau aussi, le gel hydraulique qu'on met aux mains, là, ouais. Oui, puis en passant, traînez donc votre propre savon dans votre sacoche ou votre. Les messieurs, ils n'ont pas de sacoche, là, mais dans vos poches. Moi, c'est ce que je fais. Je rentre, qui nous sert ça, plein d'alcool. Voyons donc, on ne va pas me brûler les mains avec ça. Moi, je dis, ah, il y a mon petit produit! J'ai de l'eau et un peu de savon. D'ailleurs, je me fais ça devant eux, ils sont bien contents. Moitié masque. Ciao, moitié nuit. Il y a des guerres qui ne sont pas nécessaires. Puis on peut contourner. Toutes les règles se contournent en passant. Si un jour, si vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas besoin de la solution. Mais il n'y a rien qu'on nous impose qui ne se contourne pas. Ou qui se traverse pas. Appelez-les comme vous voulez. Est-ce qu'on répond à la question, David? C'est-tu répondu? Les chandelles, Oui, ça ben dans le va-tu? fond, vous voulez qu'on développe ce sujet des chandelles qui sont daté de 1960. Ben, c'est des mémoires d'Atlantes. On OK. parle de quoi? Des Atlantes? À quoi ça sert? Moi, ça ne me sert à rien, mais c'est des Atlantes, des combats. C'est une race de gens qui avaient une certaine connaissance des énergies qui descendent, qui est en train de se remettre en place. Oui, ben la On a façon fait que je un vois ça, personnellement, là, l'époque actuelle, c'est un petit peu un remake, une reprise là, de la fin de l'Atlantide, où il y avait des tensions en différents groupes. Puis, dans le fond, il y a des gens qui ont connu la fin de la civilisation Atlante qui peuvent revenir dans le cadre de la fin de la civilisation présente. Moi, j'en fais partie, je vous le dis, je suis une Atlante. Quand j'étais jeune, pourquoi je sais ça? Parce que je lisais tout ce qu'il y avait sur Atlantide. Le monde me disait, dis, qu'est-ce que tu fais là? Je lisais tout ce qui existait. J'ai eu 14 ans. Mais c'est pas les belliqueux qui sont débarqués là, c'est ceux qui savent ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit que la guerre est gagnée, que c'est réglé. Parce que c'est un reset, c'est vraiment comme tu le dis, c'est intéressant ça. C'est un reset de cette époque-là pour pouvoir réellement passer ce qu'on avait à faire, qu'on n'a pas fait. De ne pas utiliser ces énergies-là pour faire du pouvoir. Ça va aller très vite, David. Moi, je vois ça, là, ça s'en vient. D'après, on va. Et si les gens. Je le dis, là, on verra si mes prévisions sont absolument à côté de mes pompes, là. Mais je pense qu'on va être témoin de nouvelles technologies très rapidement. Il y a plein de choses qui existent, qu'on ne connaît pas publiquement, mais qui sont existantes présentement, des énergies vertes. Il y en a plein de solutions. Mais là, il faut renverser ça. Ça va nous aider. Exactement, puis peut-être que c'est l'arrivée d'une méchante crise économique, d'une crise économique très grave dans les prochains mois liée à la gestion du coronavirus qui va faire en sorte qu'il va y avoir une nécessité rapide aux êtres humains de se réinventer avec des nouvelles technologies pour compenser toute la crise économique puis l'endettement des États-nations. C'est une hypothèse que je fais. Je vais y aller avec une autre question. Donc, il y a Vonnie qui pose Bonjour. comme question, que pensez-vous du point zéro très à mode en ce moment? Donc, à poser la question, j'ai fait préciser qu'est-ce que vous entendez par point zéro. Puis, elle a mentionné un état non polarisé, le domaine de tous les possibles. Qu'est-ce que je dois dire là-dessus? Ben, elle veut avoir ton opinion là, sur la notion de point zéro, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le domaine, entre autres de la spiritualité, qui parle de ça. La neutralité totale, c'est ça? Oui, un point de non polarisé, un point de neutralité. J'attends la réponse. OK. Qu'est-ce qui s'est passé, ça? Utopie présente. Je vais te répondre des mots-clés que ça me Oui, répond. mais C'est une parfait. utopie philosophique présentement inapplicable. La neutralité dont on parle, pour arriver à ça, il faut aller dans l'expérience jusqu'au bout. Donc, il faut s'assurer de la polarité. Faut les vivre, les absorber complètement les polarités pour arriver à la neutralité, c'est ça. On le vit, ben, mettons ça simple. C'est pas une philosophie de vouloir être neutre, c'est un état. Et l'État, pour le vivre, il faut accepter de vivre les polarités jusqu'au bout. Ou jusqu'à ce que le bout nous arrive, là, parce que le bout dépend de notre capacité à pogner une vibration, pour dire ça suffit. Au plan karmique aussi, là, tu sais, que c'est un état il faut les vivre, nos vies, pour pouvoir faire ça. La fausse neutralité, ne pensez pas qu'ils ne s'en rendent pas compte. Oui, c'est J'en ça, vois parce que ça peut beaucoup. être intéressant, ça, l'attitude psychologique de la personne à dire, ah, je suis dans la neutralité, aoum, puis. C'est ça, yaoum, puis je fais de la méditation. J'enseigne le yoga, puis je me moque, imaginez. C'est pas en méditant qu'on devient neutre, oubliez ça. Je crois pas à ça. Ça me calme, ça me détend, mais ça neutralise pas ma Exact. vie, ça là. Oubliez ça. Puis de toute façon, les gens que j'ai côtoyés en yoga, pourquoi je me suis détachée de l'Association canadienne de yoginis? C'est parce que je les trouvais tellement poker face que je me pouvais plus. Je pétais des coches par en dedans, là, quasiment ils coupaient la tête. Fait que. Non. Dans le fond, ce No que. poker Dans le sens que tu les trouvais hypocrites. Attitude de parfait. Mais l'attitude du parfait, quand tu es lucide, tu le vois bien que c'est pas parfait. Là. Puis un petit jeune de 25 ans qui te dit quoi faire dans la vie quand t'en as 60, je vois pas. T'as-tu le goût de te faire faire la morale pour un petit moune, toi, là? Non. Non, il y avait quelque chose qui sentait tellement mauvais. Mais c'est pas pas, je peux pas l'expliquer, c'est vibratoire, c'est ça que je vous Non, dis. mais peut-être que si le jeune aurait Là, été. Mais Mona, peut-être que si le jeune aurait été ajusté sur le plan vibratoire, style Bernard de Montréal, qui a un savoir là, universel, peut-être que à ce moment-là, tu l'aurais pris en considération. totalement. Bernard, je l'ai reconnu instantanément. Comme je reconnais instantanément quelqu'un qui n'a pas d'allure. Oui. Mais ceci, revenons à la question. À Oui, c'est demain, ça. si on On peut. va faire le point en complétant sur le point du point zéro. C'est ça, il y a des cons. Zéro, oui, c'est notre. Oui, Excuse-moi, oui, ça je t'écoute. existe vraiment le point zéro, mais pour ça, en passant, quand vous êtes rendu au point zéro, vous changez de terre. Fait que. Je le répète et je le dis, nous sommes sur la planète Terre, une planète de polarité. Ouais. C'est ça. Mais quand tu n'as plus de polarité à vivre, tu décolisses. Et puis Ouais. si, vis sur d'autres planètes de Terre, peut-être, d'autres vies, et pas peut-être, c'est sûr qu'il y a d'autres planètes qui Mais à ce existent. moment-là, est-ce qu'on peut parler d'exode des cerveaux? C'est-à-dire les gens qui sont intelligents, ben ils s'en vont un peu comme au Québec. T'sais, on a l'exode des cerveaux dans le sens quelqu'un qui fait des études en médecine puis va travailler à place aux États-Unis parce que ça lui permet de faire plus d'argent. Est-ce qu'on a le même phénomène au niveau des âmes qui, dans le fond, vont quitter la Terre pour aller d'autres planètes parce qu'ils vont plus bénéficier de, peut-être pas d'argent, là, mais de capacités ou de facultés? Ça me répond que oui. OK. Ça me dit c'est une chose possible, mais il y a d'autres choses avec la Terre qui ne veulent pas parler. Oh. J'excuse les gens, je m'excuse pas moi d'exister, c'est pas Ben ça que je veux non. dire. Mais quand ça censure par en dedans, je le sens. Ils me le disent, non, on n'aborde pas ça. Il y a quelque chose pour la Terre qui se prépare, puis je sais pas, ils veulent pas me le dire. Pas de dévoilement là-dessus. C'est Tu sais, correct. je te dis en privé, David, qu'il faut pas trop parler de l'avenir, dévoiler l'avenir avec nos capacités à canaliser, parce que dévoiler l'avenir, c'est on informe l'astral. Les gens, c'est important que vous compreniez ça. Si on parle de quelque chose qui est intelligent, qui est dévoilé à l'astral, c'est automatique qu'ils sont informés. Donc, s'il y a un plan, Oui. faut qu'ils nous le disent d'avance, il faut que ça arrive, que ça va être long, il va falloir recommencer. Non, exactement, parce que si on est informé du plan, puis on le parle, ben toutes les formes qui sont générées de par l'individu peuvent être récupérées par l'astral puis être utilisées contre lui. Un peu comme l'adage sur le plan juridique qui dit tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Exactement. D'où le fait que la parole de l'initié pour dire, ou de l'individu qui se conscientise pour dire, ne doit pas être utilisée pour dévoiler des plans qui, par la suite, pourraient être récupérés par l'astral qui chercherait les concircuiter puis à créer à ce moment-là une opposition très retardataire. Donc, on va y aller avec un autre sujet. En fait, il y a Lily Marcheterre qui avait écrit Syndrome de Cassandre. Difficile à se retenir, parce qu'à un moment donné, tu parlais dans l'enregistrement qu'on avait fait ensemble. Puis, dans le fond, puis j'ai trouvé ça intéressant que nous amène ça. J'ai fait une petite recherche sur Wikipédia. Oui, question que le syndrome de Cassandre, c'est lié à la douance. Parce que tu sais, tu disais que tu voyais des choses puis les autres les voient pas, là. Bon, ben, je vais lire pour le Être sûr pour être heureux, oui. pour le bénéfice du public, ce qui est marqué comme définition sur Wikipédia, c'est que le syndrome de Cassandre est parfois présent chez les surdoués qui perçoivent ou anticipent par leur intellect, empirisme, instinct, capacité d'une ramification réflexe plus développée ou d'une pensée plus élargie. Raisonnement logique ou intuitif personnel, les événements à venir et leurs conséquences. Ils préviennent, pardon, mais ne sont jamais crus, ce qui peut entraîner de la part de l'autre des réactions négatives qui vont blesser l'interlocuteur surdoué. Donc, C'est bien décrit comme phénomène, c'est exactement ça. C'est ça, la sixième, début de la sixième race racine, madame, en passant. C'est une intelligence intellectuelle et émotionnelle combinée, qui est une sensibilité qui est là dès le départ. Puis c'est réellement là, je ne veux pas parler de moi, parce que c'est le livre que je mentionnais, c'est Trop intelligent pour être heureux. Ça a été écrit par une Française d'ailleurs, qui est spécialisée sur la surdouance, qui a découvert, ben, peut-être pas elle qui l'a découvert, mais qui parle très, très clairement de l'intelligence émotionnelle versus l'intelligence qu'on appelle l'intellect, combinés ensemble, à quel point c'est spécial. Puis oui, on détecte des choses, puis j'ai toujours expliqué, moi, jeune, j'avais même pas de mémoire déjà, j'avais beaucoup de misère à rythme. On me disait surdoué, puis je comprenais pas quand j'étais surdouée, j'étais pas capable d'apprendre par cœur. Et c'est triste parce que le sort de ces enfants-là, maintenant, peut-être c'est différent, mais des années 60, dont je fais partie, ben, tu sais, le parent qui recevait comme diagnostic, ton enfant est surdoué, là, mon père, ma mère me disaient, ben, comment ça fait que t'es pas capable d'apprendre par cœur tes examens, tes trucs? J'ai 8 ans, je suis pas capable de lui expliquer. Je sais pas, je suis supposée être intelligente. Là, tu développes un complexe parce que tu dis, ça se peut pas que je sois intelligente puisque je suis pas capable de faire ça. En tout cas, c'est très complexe sortir de cette affaire-là, mais le phénomène de la question de la personne, c'était quoi, en fait, David? C'est quoi le phénomène de Cassandre? Ben, en fait, c'était pas une question, c'était plus de l'ordre de l'observation. Elle a raison, c'est vraiment C'est ça. ça, c'est que dans le fond, elle, ce qu'elle expliquait, parce que dans l'autre enregistrement, c'est que tu voyais des choses, puis les gens, de ce que je, tu sais, de ce que je me rappelle de l'émission, c'est que Oui, des gens. tu percevais des choses, puis les autres te comprenaient pas, ou il n'y avait pas la même vision à long terme de l'implication de certaines choses, puis pour toi, c'était évident, mais les autres ne le voyaient pas. Puis, dans le fond, en lien avec ça, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça mettait les mots sur ce véhicule-là, en parlant du syndrome de Cassandre. Exact. Donc, c'est sûr que quand je regardais ça sur Wikipédia, parce que Cassandre, c'est en lien avec la Grèce, il y a tout un historique, tu sais, en lien avec ça. Mais l'idée du concept que quelqu'un peut voir des choses, puis Cassandre avait prévenu quelque chose, puis les gens ne l'écoutaient pas, ils s'en foutaient, il n'y a pas la capacité de vision, puis de comprendre. Bien, je me pose la question, si des gens qui parlent comme nous autres sur le web, puis qui vont, justement, comme on l'a fait tantôt, que le Great Reset, présenter un petit peu les inconvénients que ça peut avoir, ou le dérapage à long terme, bien, on peut parler de ça, mais si la masse réalise pas ça, bien, quand même qu'on parle de ça, on n'est pas entendu ou reconnu dans ce qu'on dit, fait que ça passe inaperçu, ça n'a pas d'impact. On passe plus pour des cassandres, on passe pour des complotistes. Oui, exactement, c'est très bien dit. Ben, c'est une qualité d'être complotiste, alors c'est bien. Ouais, c'est réellement ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut créer énorme. Si c'est mal géré, ça peut créer un être révolté et non pas juste rebelle. Ça peut vraiment mal virer, effectivement. Ben, c'est parce que la Je personne peut. n'analyse pas bien ça, là, de ne pas Exact. être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être accueilli dans ce qu'il perçoit. Il peut devenir extrêmement rebelle s'il n'y a pas de centricité. Rebelle, c'est une chose, mais j'ai dit le bon mot tantôt que j'ai déjà échappé. Révolté. Comment? Moi, ce que je me semble, c'est que tu as dit révolté. Révolté, là, c'est autre chose. Rendu dans révolte, là, c'est le psychique qui décroche. Ça peut nous rendre fou. Ça peut rendre fou quelqu'un, ça, quelqu'un qui ne comprend pas comment il fonctionne à ce niveau-là. Bien, en fait, l'idée, c'est que, mettons, la personne est consciente de certaines choses, mais c'est son environnement qui ne la comprend pas. Il faut qu'elle intègre. Pensez-vous que. Je ne suis pas sûre que je comprends ce que tu veux dire, David, là, mais. Comme je suis dans les années où je suis née, Oui. c'était pas mal plus difficile que ce que le monde vit aujourd'hui, là. Dans le sens que moi, je ne suis pas la seule, là, il y a plein de monde comme moi. Ce que je veux dire, c'est que dans une période de complète obscurité dans laquelle je suis venue au monde dans les années 60 avec autant de capacités que j'avais, c'est pas accueilli du tout. Et je l'ai déjà expliqué dans le premier, si les gens écoutent mon premier vidéo avec toi, je suis à 18 ans, je l'ai dit sur l'un de tes vidéos, j'étais devenue Nikita. Bah, écoutez le film Nikita, c'est un très bon film français et américain, le meilleur, c'est la version française. Nikita est devenue révoltée. Donc, tout ça m'a desservi pendant un certain temps, bien sûr. C'est pour ça que mais on est téléguidée par le contact. Mmh. Je me suis retrouvée en danse pour canaliser enfin, j'avais énormément d'énergie, en plus d'être clairvoyante, clairaudiente et tout ça. J'avais tellement d'énergie que là, j'étais rendue à m'auto-détruire. J'ai volé, j'ai fait de la prison à 19 ans, 18 ans, parce que je volais. Plein d'affaires m'est arrivée, parce que j'étais tellement comment dirais-je, de haine envers la race humaine, de ne pas avoir été accueillie puis compris. Mais je ne le comprenais pas de même à l'époque, là. C'était comme ben, juste une réaction, là. Mais j'étais bien guidée, fait que je pense qu'on vit ce qu'on a à vivre, puis que ça Mais s'est calmé à un c'est moment ça, donné. en lien avec ça, si je le ramène plus au niveau supramental, dans le sens que l'individu qui vit la fusion avec le contact, qui vit ça alors que les gens de son entourage sont inconscients de ça, puis qui ne visent pas ça simultanément, c'est sûr que la personne qui commence à parler vibratoirement, puis les gens ne le captent pas vibratoirement, elle va se sentir non compris, là. Tu sais, ça peut créer beaucoup de frustration. Oui, mais j'ai trouvé d'autres personnes avec qui je pouvais parler. Je n'étais pas accueillie dans ma famille. Ouais, mais on me disait, ah, c'est qui est weird, elle. Ben, c'est ça. Mais Weird en le québécois, ça veut dire plus que bizarre, étrange. mesdames, messieurs. Je passais pour un. Je l'ai dit l'autre fois, je passais de paranoïaque à complotiste. C'est déjà pas pire. Une blague, je passais pour folle. Ouais. Une fois folle agréable, mais fois folle pareil dans mon milieu. Mais j'ai trouvé. La vie m'a amené des gens, comme des amis. C'est là que j'ai découvert Daniel Kemp. Il a fallu que j'aille dans d'autres directions, mais ça m'a amené dans d'autres directions. Pas Mona qui a décidé d'aller dans d'autres directions. Daniel Kemp, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Martine, avec qui je me suis mis à. On est devenus deux sœurs ensemble, on pouvait parler, on n'avait pas l'air à deux folles, puis on se parle encore, bon, oui, parce que là, des fois, on dit, hey, on peut pas dire ça dans le public, hein. On dit qu'on est fou, hein. Encore aujourd'hui, donc, tu sais, on est à la bonne place au bon moment, arrêtez de se préoccuper de ça, tu sais, C'est ça. ça répond? Oui, mais en fait, c'était pas une question, c'était plus de l'ordre d'une observation. Puis c'est intéressant à aborder comme sujet parce qu'il y a sans doute des gens qui nous écoutent, qui se sentent tout seuls à réaliser certaines choses, puis que les gens de l'environnement sont pas capables de les comprendre, t'sais, de les absorber, de les saisir. Fait que t'sais, ça peut être lourd à porter, ça. Mais le rejet fonctionne. Le rejet, c'est merveilleux. Pas chanceux, celui qui ne vit pas d'épreuves de bonheur. Je vous le dis, Bertolt le dit, puis là-dessus, je suis tellement d'accord avec lui. On n'en sort pas. Ça prend des claques à la gueule pour comprendre quelque chose. Moi, c'est le rejet du rejet. J'étais un enfant battu, jeune, me faisait courir après. J'étais tellement sweet. Mais sweet. Pas d'allure. Paf, paf, je mangeais des claques à la gueule partout. J'entendais des voix, j'entendais le monde penser. J'étais comme, voyons donc, le monde est fou, ils sont donc bien méchants, ils sont donc bien agressifs, en tout cas. Mais tout ça, c'est faisait partie de ce que je devais vivre pour comment dire, développer de la force. C'est à Fallait que travers je le sois. rejet que tu as développé de la force. Pardon? C'est à travers le rejet que tu as développé de la Le force. rejet, la résistance, des épreuves, appelez-les comme vous voulez, il y a du Ouais. rejet. Moi, j'ai vécu du rejet, d'une famille, puis pas beaucoup d'amour, pas beaucoup de contact physique. Il y a eu plein d'affaires qui s'est passé pour un être d'une grande sensibilité. Pas de contact physique quand tu viens au monde, je jure que c'est quelque chose. Hein. Non, exactement. Mais là, les jeunes, sont en train de vivre ça, là, tu sais, l'histoire de Il la n'y a pas de crise. contact physique que ça. Comment? Je blague. Vas-y, les jeunes vivent Les ça. jeunes, dans Oui. le cadre de la crise du coronavirus, puis là, il faut qu'ils soient à 2 mètres de leurs grands-parents, puis ils vont moins à l'école en personne, ou c'est de l'école à distance. Ben, la dimension contact physique est vraiment très réduite. Oui, puis j'allais le dire, c'est que ma génération, des gens comme moi, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, les jeunes, il y en a plein des cassandres. Exactement. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une cohorte de Cassandre qui va émerger de la crise du coronavirus, parce que tu vas avoir plein de jeunes qui vont passer du temps tout seuls chez eux devant leur ordi, puis il y en a sans doute là-dedans qui vont s'individuer dans les meilleurs cas, ou peut-être virer fou, là, on verra bien, là, mais... Dehors de tout. Exactement. C'est des êtres d'une grande sensibilité extraordinaire. Je suis pas sûre qu'ils sont dus pour tout passer de l'autre bord du pont, là. Je pense qu'au contraire, c'est intelligent. Moi, le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens, c'est quand une épreuve débarque, regardez-la, c'est intéressant. Ça Oui. libère tout le temps quand on est capable de faire front, faire face à l'événement, ça libère tout le temps quelque chose. Exactement. Je vous le dis, pas chanceux celui qui n'a pas d'épreuve jeune. Moi, j'ai un beau-frère qui est mort à 59 ans de démence combinée de multiples démences parce qu'il a eu une vie couvée. Couvée, enveloppe, là, plein d'enveloppes, plein d'enveloppes. Un peu, tu sais. Mais quand on enveloppe trop nos enfants, ou quand on enveloppe trop nos enfants, on les aime tellement qu'on veut toutes les éviter comme problème, puis on les couvre, puis ils font un La mauvais surprotection. conseil. Hein? La surprotection. Ben, mon beau-frère avait été ça, comme ça dans une famille supposément très aimante, mais moi, pour moi, c'est pas de l'amour, c'est quasiment de la haine. À 50 quelques années, il a vécu un choc que je ne veux pas rentrer dans les détails pour une question de privé. Oui. Tellement grand, il s'en est jamais remis. Il est mort de démence, les amis. Il n'était plus capable, le réflexe d'avaler n'existe plus à 59 ans. Non, c'est sûr, si la personne ne développe pas sa capacité depuis qu'elle est jeune à absorber les chocs, elle arrive à 50 ans, puis elle a toujours vécu dans ouate ou a été bébé gâté, c'est plus difficile que si elle aurait vécu plusieurs chocs préparatoires à celui-là. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas mauvais les chocs. Moi, je pense que le plus grand choc, c'est de pas en avoir. Oui, parce que. Son temps, la vie nous frappe tout le temps. Hein. En passant, la vie, sa planète Terre, c'est des épreuves. Il y a beaucoup. Je ne sais pas quelle idée qu'on a de penser que le bonheur existe, là. Oui, il y a des petits moments de bonheur, mais des états de bonheur permanents, là, comme d'autres. Flyer de la planète, là. Ça pour moi, c'est du monde qui fly, qui ne comprennent pas la dynamique planétaire. On a des épreuves, mais c'est ça, je dis pas chanceux, celui qui se fait frapper par un train à 40 ans. Et ma soeur, elle a vécu des choses, ou moi, des choses que des fois les gens me disent, comment t'as fait passer à travers ça? Ben, je sais pas, mais quand on regarde notre vie, on commence à comprendre pourquoi, parce qu'on se dit, ah, mais c'est pas, j'ai été pas mal éprouvée longtemps, souvent. Maintenant, c'est plus doux, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui s'est réglées. Mais c'est ce qui fait que je suis capable de dire que s'il y a un combat à faire avec l'astral, je vais le gagner. Même dans mes rêves, si je gagne. Oui, ben c'est parce que tu es entraîné à faire face au choc. Donc, c'est un petit peu comme quelqu'un qui fait de la boxe depuis des années. Faire face à un adversaire quand tu es rendu à 50 ans, c'est plus facile que si tu n'en as jamais fait face. Puis là, la personne reçoit un coup de poing parce qu'elle fait de la boxe pour une première fois à 50 ans. Elle n'a pas la même capacité d'absorption que si elle commence à faire de la boxe à 20 ans. Exactement. Elle risque d'y rester sur le tapis. Ben, peut-être pas bon, c'est ça, sur le À tapis, mais tu 50 sais, si ans, la non. personne elle a 80, alors soit de sa première claque sur la gueule en faisant de la boxe, ça risque d'être encore plus fort comme choc. Mais tu vois, ça m'explique aussi en même temps, c'est qu'il y a des gens qui doivent avoir des plans de vie bien, bien relax puis privilégiés pour pouvoir équilibrer d'autres plans de vie qui ne le sont pas. On est sur la planète polarité. Exact. Fait que c'est des jeux d'équilibre. Il y a des gens qui ont des vies plus douces, plus faciles. Oui, en passant, ça existe. Qui ne seront pas nécessairement frappés par le train non plus. Là. Ils sont frappés, mais c'est toujours contenable. Mais oui, ça en prend. Ça prend des modèles de vie existants plus agréables que désagréables, sinon ça irait tout se tirer une balle. Non, On c'est est ça. plus d'espoir. Donc, oui, il y a des gens qui vivent des vies plus faciles, mais moi, je trouve pas que c'est. Ça fait pas. J'ai croisé des gens qui avaient des vies très, très. Des gens très riches, ils n'ont pas de gros problèmes. Ben, ça dépend. Tu sais. Oh, ça dépend, oui. Tu me trouveras ça du monde qui ne sont pas dans la survie. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas acheter présentement sur la planète, hein, à part le bien-être profond, là, on ne parle pas de ça, mais. Exact. Quand tu as de l'argent, tu n'as plus de problème d'insécurité financière, puis tu n'as pas de problème de manger tous les jours. Tu peux Non, bien aller non, faire du mais mettons, je te donne un exemple. La personne, c'est un homme d'affaires, puis oui, il a beaucoup d'argent, mais il a des problèmes cardiaques importants, puis il est sur le bord de mourir d'une crise cardiaque. Ben, moi, les gros riches de la planète, je trouve qu'ils ont les moyens de se soigner. Hein? C'est drôle, il y a des médicaments qui ont droit, qu'on n'a pas droit. Nous autres, on a toutes sortes de traitements qui ont. Tu sais, René Angélil, quand il a eu son cancer, il a quand même toffé 20 ans de plus que bien du monde, tu sais, qu'il aurait eu 2 ans. Oui, c'est sûr que Et. lui, il avait l'argent pour aller dans les endroits spécialisés aux États-Unis, là. Oui, mais s'il y avait eu un traitement pour le cancer qu'il avait complètement, il aurait Probablement pas. En fait, lui, c'est parce qu'il n'a pas fait la connexion avec d'autres choses, là. Mais il avait accès à des traitements que nous, on n'a pas accès, toi et moi, là. Oui, bien c'est sûr qu'il faut comprendre que souvent les traitements expérimentaux ou les meilleurs traitements sont aux États-Unis, puis ça s'adresse à une élite de riches, puis peut-être qu'on va voir ça au Canada, au Québec, plusieurs années après. Tu sais, ça peut prendre 10 ans, 20 ans ou même 30 ans. Ben, comme la chirurgie qui existe en Russie depuis 30 ans, qui est débarquée au Québec, au Canada il y a 20 ans, tu sais, correction de la myopie, ça se faisait depuis longtemps en Russie. C'est un exemple banal, mais c'est ça. Il y a plein de choses qui existent Oui. qu'on n'a pas accès parce qu'on n'a pas soit l'argent, soit une petite guéguerre de pays qui se font des petites guéguerres de ci puis de ça, là, qui fait que la médecine n'évolue pas vite, là, puisque les connaissances ça passe pas. Il n'y a pas de joint venture, je ne sais pas comment traduire ça. Il n'y a pas de point central où on peut amener toutes les informations sur des Ah, façons ben de. là, on a l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui est supposé de regrouper tous les pays avec l'ONU. Comment? L'OMS, ça, bon. Ben, je fais exprès, tu me connais, là, des fois, je suis un petit peu taquin, là. Mais présentement, l'OMS, ça vise à régler la crise du coronavirus en donnant des sages conseils à nos gouvernements. Ouais. L'organisation de la monstruosité satanique, oui, sûrement. Ne nous affolons pas. Je suis sûr qu'il y a des gens de bonne volonté derrière ça, mais le point, c'est que. Décide, malheureusement. Ouais. Mais non, le plan, en tout cas, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, l'OMS, mais ça ne marchera pas, le plan, je te le garantis, ça, je le sais. J'ai toujours su. Ça ne marchera pas, le plan. Y a d'autres choses de plus grand. On rentre dans l'apothéose, David, qu'on le veuille ou pas. L'involution s'est terminée, l'apocalypse et révélation, mais c'est sûr qu'on va avoir droit à de la révélation, des grandes révélations. Les gens vont enfin comprendre à quel point on peut être mieux. Ouais. Mais avant ça, il faut souffrir et vivre des chocs pour connaître la transmutation, collectivement parlant. Ça se peut qu'il y ait des réseaux qui se forment, on verra. C'est peut-être pas nécessaire, je ne sais pas. On va le savoir à la. Je pense qu'il y a moyen de vivre en parallèle de tout ce monde-là temporairement. Il y a des solutions, on verra. Oui, c'est sûr. En fait, pour ce On qui est. va s'acheter un paquebot comme Dan Pilon. On va tous aller vivre sur un paquebot, sur un bateau. Ça pourrait être une option. Moi, je pense bateau. Un gros bateau, ça coûte tellement cher, il faudrait que ça s'achète du monde. Mais un bateau à 2 000 personnes, la misère est respirée à trois, bon. Ouais, pas une bonne idée. Ben, j'ai dit n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on saura quoi faire au temps et lieu, s'il y a lieu de faire quelque chose, tu sais. Oui, exactement. En fait, pour ce qui est des questions que j'avais retenues, j'ai puis des commentaires, j'ai fait le tour. Par contre, je voudrais quand même t'entendre par rapport à la crise actuelle, parce que là, on est sur le point de connaître un temps des fêtes, comme l'a annoncé Trudeau, plate, c'est-à-dire que les réunions de famille sont interdites ici au Québec. Donc, c'est vraiment du jamais vu. On veut mettre fin à la fête de Noël, aussi du jour de l'an. C'est comme si on cherche à réinitialiser la psyché collective pour faire table rase des mémoires culturelles du peuple québécois. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de cet événement-là. Je pense que je t'écœurerai. Voyez-vous ma face, tout le monde? Ouais. Je blague, là. Je ne suis plus capable de parler de ça, David, pour être honnête, là. OK. Premièrement, ça ne m'affecte plus. Moi, j'ai envie de faire le party, je le fais. Même si la police pourrait arriver puis te donner une amende de 1 500 $. Je m'en fous qu'ils me donnent. Je vais payer, puis je vais même pas payer, je vais aller contester, puis j'irai jusqu'au bout. Mais quand je dis je fais le party, ça ne veut pas dire que j'appelle la police et lui dis je suis un party, là. Non, non, mais tu peux avoir un voisin délateur, parce que là, à TVA, ils encouragent dans les bulletins de nouvelles les voisins de surveiller les autres puis dénoncer. C'est pourquoi je ne suis pas partie en région, mon cher David. Oh! Je ne savais pas pourquoi, tu sais, excusez-nous, les amis, une petite insight entre nous, ben, je voulais vendre ma maison, je voulais déménager à la campagne, puis ça ne voulait pas, ça ne se plaçait pas, puis je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi ça ne se place pas, mais ça ne se place pas, on va attendre, on va attendre. Ben, je peux vous dire qu'en région, les délateurs font loi. Mais j'imagine que dans les grands centres comme Montréal, il doit y avoir aussi de la délation, là. Ouais, mais il y a plus d'indifférence que de délation. Montréal, là, c'est assez gros que le monde ne regarde même pas puis se crise de tout le monde. Tandis qu'en région, des petits maudits villages, des petites villes, tout le monde se connaît. Puis t'as fait pipi. Oui, bien c'est sûr que dans les grands centres, les gens sont plus anonymes. C'est ça. C'est pour ça que je suis pas partie. Parce que ça Oui. ne... Puis je peux faire un party, il n'y a personne qui m'a dénoncé parce que tout le monde est con... tout le monde autour, on s'est parlé. OK. On a convenu qu'on se mêlait de nos affaires. Qui faisait ce qu'il voulait. Bon, Tout ben. simplement. Ben, c'est excellent. Ouais. Je veux dire aux gens surtout, c'est que on va vivre dans la peur. Vous n'avez pas vu la manifestation qu'il y a eu à Montréal, 1 200 policiers. Oui, Les ben, gens le qui étaient 20, là, pour mettre là. les gens qui nous écoutent en contexte, c'est que le 20 décembre, il y a eu une manifestation à Montréal, justement, avec des nombreux policiers. Puis de ce que j'ai vu, parce qu'il y avait Dan Pilon, entre autres, qui est un YouTuber qui diffusait, c'est qu'apparemment, les policiers étaient plus agressifs, ils étaient plus à vouloir faire respecter les mesures de distanciation, le port du masque, alors qu'avant, pendant l'été, c'était plus relax. Exactement. Là, on voit vraiment leur vraie couleur. On vient de comprendre qu'ils ne sont pas du bord de la population, du peuple. Mais les gens, moi, ce que je veux relever, c'est que les gens qui sont allés, là, Ouais. ils ont fait face à leur peur. Ils sont allés. Puis ils ont pris des contraventions qui vont toutes être contestées. On verra bien quand l'autre bout, ils vont être écœurés de voir des contraventions, ce qu'ils vont faire. Mais 1 500 $ dans la vie, moi, je voulais y aller, mais j'avais. Regarde la vie comment c'est. Moi, je voulais y aller hier. Oui. J'ai mis ça dans mon agenda, j'ai même annulé un truc privé. Je me lève le matin, j'ai le dos barré. Non, tu ne vas pas à la manifestation. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Là, j'ai dit, ah, je ne peux pas y aller. J'étais déçue. Tu sais, oh, j'aurais aimé ça y aller. Moi, j'aime ça. C'est le fun, ces rencontres-là, je vous le dis. C'est loin d'être désagréable. Les gens sont super fins. Des sourires. Tu sais, c'est parce que c'est dur d'avoir un sourire en arrière d'un masque ces temps-ci. Exactement. Donc, beaucoup, beaucoup de chaleur dans ces environnements-là. Les gens sont super fins, je vous le dis. C'est surprenant. Puis, je voulais y aller pour ça, aller me nourrir un petit peu, d'un peu de chaleur humaine. Et non, je ne pouvais pas me lever facilement. Fait que j'ai dit, je ne peux pas y aller. J'étais un petit peu déçue. Puis quand j'ai regardé ce qui se passait, j'ai fait, ah, c'est pour ça que vous ne vouliez pas que j'y aille. Parce que moi, si la police m'avait confrontée, je serais en prison, les amis. C'est sûr. C'est à la vie, à la mort, moi, rendu là. J'aurais pris Autrement les dit, contraventions, mais s'ils avaient ouais. essayé de me. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont arrêté Dave le Duc. Arrêté. Non, Ils n'ont pas donné une contravention. Ils l'ont arrêté. Dave le Duc, c'est le plus grand champion du monde d'un art martial au. Dans le monde, ce gars-là est connu par 30 millions, il est suivi en Asie par 30 millions de personnes. Mais tu sais, j'ai pas tout le contexte. Est-ce que lui avait fait quelque chose pour, dans le fond, Oh, insulter tu les... regarderas sur Dan Pilon, il l'a OK. filmé, ça aussi. Il a OK. filmé son arrestation. C'est parce qu'il était en entrevue avec Dan. Il a enlevé son. Puis là, Dan, il dit, excusez-nous, les gens, là, je vous explique. Dave Le Duc, c'est une sommité au Québec d'art martial. Je ne sais pas le nom de cet art martial-là, mais c'est sans protection. C'est un art martial, coup de tête permis, coup de pied, coup de poing, mais très, très éthique. OK. C'est arbitré. Puis il n'y a personne qui se retrouve comme à la boxe américaine sur le dos sans connaissance. Ça s'arrête avant. Mais lui, c'est un champion du monde depuis 6 ans. C'est un jeune, il a 28 ans. Il a décidé de mener le combat contre les lois abusives de la loi sanitaire. Donc, il se retrouve dans la chose hier, puis il rencontre Dan en entrevue, il commence à parler à 2 mètres, ils sont à 2 mètres de distance. C'est 2 mètres ou le masque, hein, on comprend? Non, c'est 2 mètres et le masque Et dans le le cadre masque. d'une OK. manifestation comme règlement. Ils ont ajouté ça. C'est ça depuis ce Ben oui, temps-là. c'est pratique à 2 mètres quand l'OMS dit 1 mètre, mais en tout cas, tout le monde est mêlé. Là, la France, c'est 1,5 mètre, l'OMS, c'est 1 mètre, eux autres, c'est 2 mètres. C'est vraiment très cohérent, hein? Mais 2 mètres plus masque, eh Oui. ben là, je tombe sur le cul. Oui, parce qu'une Ben, manifestation, ils ont ajouté ça comme règlement, puis ça, c'était à la fin de l'été. C'est sûr qu'à partir de ça, ça a muselé beaucoup de manifestations, parce qu'après ça, tu as remarqué au mois d'octobre, mois de novembre, il n'y en a pas eu. Ça a été comme plus tranquille, parce que là, être obligé d'être à 2 mètres des autres puis porter le masque dans le cadre d'une manifestation, ça devient lourd. Surtout quand tu es un manifestant qui s'oppose au port du masque obligatoire. C'est ça, c'est là où je dis que c'est contestable. On manifeste, les gens manifestent dans un droit constitutionnel avec ou pas crise humanitaire en passant, ou sanitaire. La Constitution, c'est bien au-delà des petites lois de marde qui nous passent, eux autres-là, là. Mais eux Les autres, gens ils disent c'est pour n'ont le pas le bien droit de. collectif qui a primauté sur les droits individuels. Il faut qu'ils prouvent que ce qu'ils demandent est plus dans. Il faut que la charge revienne à l'autre. C'est que ce qu'il faut comprendre en droit, c'est que si, mettons, moi, je me donne une contravention, puis je pars individuellement contester, puis je m'en vais après ça, je poursuis le gouvernement pour m'avoir imposé ça, c'est qu'il faut qu'il me démontre que ce qu'il propose comme solution, ils ont les preuves que c'est efficace, qu'ils n'ont pas. Il n'y a aucune preuve que le masque est efficace scientifiquement. Donc, ils n'ont pas intérêt à aller en cours avec personne. Il faut voir, j'ai hâte de voir, on suivra, mais je suis à peu près sûre qu'ils n'iront nullement en cours là-dedans, jusqu'au bout, à moins que les gens. Il faut aller au bout. C'est-à-dire qu'ils vont t'essayer de te condamner, puis il faut que tu dises, je vais en appel, et là, j'amène les. Pourquoi j'amène telle affaire? Il faut aller au bout du C'est processus. ça, mais Mais encore c'est faut-il que, oublier je ça. sais pas si la personne peut se représenter elle-même ou faut qu'elle paye un Non, non, non, ça avocat. prend un avocat, ça Mais prend là, des c'est sous. ça. Si ça prend un avocat, ben là, t'en as pour plusieurs milliers de dollars. Fait que là, tu sais, si ta contravention de 1 500, mais ça te coûterait 20 000 dollars de frais d'avocat, Ben t'arrives oui, à mais un. David, après, ton 20 000, si tu le gagnes, puis qu'il est obligé de compenser pour. Puis en plus de t'avoir fait payer des frais, faut il faut qu'il repaye le gouvernement ou n'importe qui te poursuit, la justice, whatever. En plus, faut il faut qu'il te compense pour la perte de temps, la perte d'énergie, l'intimidation que tu as vécue. C'est pas 20 000 que tu vas ramasser, c'est 60 000. Faut aller au bout du processus. Oui, mais il faut avoir le Mais non, courage c'est pas justement d'aller au d'intérêt. bout du bout dans le rapport de force avec les forces. Non, non, mais moi, je l'ai testé dans ma vie. Si je suis obligée d'aller jusque-là, j'ai 300 000. Je vais y aller jusqu'au bout, Chris. M'engager Galati. Tu vas avoir un bon avocat, c'est sûr, avec 300 000, sauf que le point. Mais je vais gagner ma cause, puis je vais gagner. Puis tu vas devenir une jurisprudence pour les autres personnes qui auraient reçu des contraventions par la suite. Donc, tu pourrais être une initiée qui trace la voie pour d'autres personnes. Ouais, mais je pense pas que je vais servir à ça, puis je me suis pas rendue à la manif. C'est ça, mais pour amener à ton anecdote, c'est que le gars qui est interviewé par Dan Pilon, il portait pas le masque. Non, puis c'est ça. Puis finalement, il finit son entrevue. Mais là, pendant l'entrevue, Dan, il dit, mets ton masque, ils s'en viennent. Allez voir ça sur YouTube. C'est toi, ou si tu peux le mettre en lien, tu verras si tu Ben le oui. trouves. Là, Dan, il dit, Dave, ils s'en viennent. Là, tes voix, écoute, c'est hilarant. Moi, je suis morte de rire. Ça se peut pas. C'est un état policier, le monde n'allume vraiment pas. Mais pour ça, c'est pour ça qu'ils filment, Daniel, Dan Pilon. Ils sont pas deux policiers. Ils finissent par être 20. Un gars, 20. Mais il Un gars maîtrise aux les arts États-Unis. martiaux. Allô, vous avez compris? Un gars, 20 polices qui se mettent à l'entourer. Mais Mona, tu disais qu'il maîtrisait, c'est un champion d'arts martiaux. Fait que là, c'est sûr que Bon. c'est normal, c'est un champion d'arts martiaux, ça prend plus de personnes pour le maîtriser potentiellement. Ben non, mais c'est ça. Là, il se met à marcher, puis il regarde la police, il dit, y a-t-il un problème? Il est zen au bout, il est très en contrôle. Il contrôle son ego totalement, ce gars-là. Alors, il dit, y a-t-il un problème? Oui, vous portez pas votre masque, on va vous donner une contravention. On l'entend pas trop. Puis on le voit très bien. Puis là, Dan, il dit, bon, on est témoin de l'arrestation. Il l'arrête, puis il l'embarque dans le panier à salade de Dave le Duc. Mais le gars, il est super relax. Puis il le dit à Dan, il dit, s'il me donne une contravention, je la conteste. Mais lui, il y a de l'argent. J'ai hâte de voir jusqu'où il va aller avec eux autres, moi, le gouvernement. Pas mal sûr qu'ils vont lâcher Dave la Machouette, Dave le Duc, assez vite, moi. Parce que ce gars-là, il est riche. Il est capable de s'en payer un Christ de bon avocat. Ils n'ont pas pogné le bon. C'est ça que je veux dire. Ça va être un dossier à suivre, mais. Je suis sûr qu'il va aller plus loin, lui. Puis s'il ne s'associe pas à la Fondation ou je ne sais pas quel autre groupe, là, parce qu'il y a d'autres gens qui commencent des poursuites, je sais. Ouais, mais pour ce qui est de la Fondation des libertés du peuple de Stéphane Blais, parce que ça fait quand même plusieurs semaines là, qu'ils, t'sais, ont ramassé de l'argent, puis malheureusement, ils n'ont pas réussi à empêcher le port du masque obligatoire pour faire tomber les autres mesures sanitaires à l'heure actuelle, là, à ma connaissance. Ça s'en vient, David. C'est parce que c'était pas le temps. OK. Ça s'en vient, tu vas voir. Ils vont rebondir, la fédération, la fondation, tu vas voir, Ben, moi, check. c'est sûr que je l'espère, mais je suis en contact avec des gens qui disent que vu que ça bouge pas, puis ça fait plusieurs mois, il y en a qui suspectent que ça peut être une manœuvre de l'opposition contrôlée par le gouvernement, que la fondation soit infiltrée. Ouais. Oui, ça existe, la position contrôlée, mais là, pas dans la fondation, je suis sûre. Mais en tout cas, les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent, c'est pas ça que je pense. Mais une chose que le monde ne comprenne pas, c'est que premièrement, ben, les gens n'ont pas écouté Maître Galati, parce que la fondation, au départ, avant, pas au départ, mais quand ils se sont associés à Galati, Galati a dû tirer sa bride à chose, là, comment il s'appelle, Stéphane Blais, dire hey, tu te calmes. Parce que quand tu attaques la Cour suprême du Canada, pas l'attaque, quand tu attaques le gouvernement à travers une Cour suprême au Canada, il faut que tu sois équipé de veiller de tort. Tu n'arrives pas là avec ton petit chapeau sur un capot de roue et si je débarque, là. Ça prend beaucoup d'argumentation, ça prend des preuves, ça prend des dossiers de béton, des témoins de béton, puis des avocats en béton. Ce qu'il n'avait pas à l'époque où Stéphane Blais voulait faire le move. Il n'y avait pas assez d'exercice d'abus de pouvoir pour justifier ce qu'ils vont faire bientôt. Là, ils ont tout entre les mains pour agir, puis je pense qu'ils déposent en janvier. En tout cas, Galette. moi j'espère que ça puisse fonctionner, mais c'est sûr que je trouve Pas ça. C'est sûr que moi, sincèrement, tu sais, moi, j'aimerais ça que ça puisse. David, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est long. Le cas de Nuremberg, là, quand est-ce c'est sorti, la Cour internationale de l'Haye, combien de temps ça a pris avant qu'il passe? C'est en 1950. Puis, à un La moment Deuxième donné, Guerre la mondiale, ça guerre. faisait 5 ans, c'était fini, c'était 1939-45. Le cas de Nuremberg a été écrit en 1950. La guerre a fini en 1945, 47, Exact, 45. 45. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 50 ans. 1939-45. Pour accuser, pour pouvoir avoir de porter les accusations nécessaires. Fait que, là, ça ne prendra pas 5 ans, ça va en prendre 2. Calmez-vous, tu sais. Le monde est énervé, ils n'ont pas de contenance, puis il faudrait que ça débloque tout de suite. Non! Puis il y a d'autres raisons occultes à ça qu'on ne rentrera pas dedans, là, mais si on reste dans la matière basique, ABC, 2C, là, ben, c'est le temps des lois. Je trouve Maître Galati extrêmement intelligent là-dedans. Mais apparemment, il avait gagné pour démontrer l'inconstitutionnalité des impôts au Canada. Par contre, le problème, c'est que dans les faits, les gens payent toujours ici des impôts sur le revenu. Ou je pense l'inconstitutionnalité de la dette. Faut pas que je confonde, là. En tout cas, il y a quelque chose, c'est vers 2011. À un moment donné, Richard Glenn a fait une émission là-dessus, parce que ça date depuis plusieurs années. Puis il avait fait une démonstration par rapport à quelque chose. Il me semble que c'est la dette, la façon de la dette avec la Banque du Canada, que ce n'était pas constitutionnel. Puis il a fait une grosse démonstration par rapport à ça, mais ça n'a pas malheureusement amené de changement significatif. Là, nous sommes rendus au niveau 2, de prendre conscience. Ça se peut que ça me flash là, quand tu dis ça, c'est intéressant. Il va peut-être gagner sa cause et les gens vont devraient peut-être comprendre que la justice est aussi corrompue. On a un gouvernement présentement au Québec qui prend des décisions sur une crise humanitaire, sanitaire, sans prendre de notes. Wow! Ah oui, puis ça, c'est public. Ils font des rencontres, puis il n'y a pas de secrétaire, puis il n'y a pas personne qui note rien. Si le monde n'allume pas encore, là, c'est quoi que ça va prendre pour que le monde allume? Ben, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis que Trump est en train de défaire, là. C'est intelligent ce qui se passe. Mais ça se peut pas que Trump ait pensé ça. Moi, pour moi, ça vient de plus plus supérieur. Parce qu'ils sont en train de passer à travers la Constitution étape par étape, mais ils sont en train de montrer tous les niveaux de corruption, dont la justice jusqu'en Cour suprême. Fait que là, tu peux plus compter sa justice pour te défendre. Elle-même est corrompue. Hey, c'est terrible là, quand on regarde ça de même, Mais mais c'est ça qui est fini. ouais. De toute façon, on va le voir d'ici le 20 janvier. C'est qui va avoir qui va être au pouvoir, là? C'est Trump. Ben, Ah, moi, c'est ce que je pense c'est depuis le départ. Mais là, tu sais, au début du mois de novembre, ils ont dit c'est Biden. Là, après ça, Trump il a fait des démarches judiciaires, puis apparemment, la Cour suprême aurait refusé. Puis là, dans le fond, il y en a qui disent, ben, je vous l'avais dit, c'était Biden, puis vous écoutez pas. Puis là, supposément, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui cherchent à défaire Trump, là, tu sais. ben oui, ils vont tout faire pour que ça passe pas. Ils se débattent dans l'eau bénite, mais ce que les gens ne saisissent pas, comment ça fonctionne à ce niveau-là, essayer de faire ça simple, parce que c'est très. Moi, j'écoute depuis des mois des affaires de toutes sortes d'intervenants différents pour comprendre comment ça marche, toute cette affaire-là. Aux États-Unis, ils ont des étapes à suivre la Constitution, puis c'est ça qui s'est mis en place présentement. Pardon. C'est comme là, il a demandé un recomptage sur les élections. Là, on dit, ben, on a recompté, mais on arrive au même résultat. Ben oui, ils ont recompté, mais avec les mêmes niaiseries. Je veux dire, c'est évident que ça va donner les mêmes résultats. Tu recomptes la même affaire. Je sais pas, ça serait étonnant que ça soit une autre donnée. Ils recomptent tous les bulletins qui sont faux. Ben, ça revient au même chiffre. Là, Trump, il revient en charge, ben, pas rien que Trump, son équipe, il revient à charge en disant, on va aller en cours, les cours inférieurs. Là, les cours inférieurs, ben, on a fait le recomptage, tout est correct, ou nous, on constate qu'il n'y a pas de... OK, on continue plus haut. C'est ça que je dis, ils sont rendus en Cour suprême. Exact. Là, même la Cour suprême, écoutez ça, les gens, là, ils disent, ils n'ont pas de preuves. Ben non, mais c'est dur de mettre des preuves, ils ne sont pas entendus. Parce qu'il faut, pour pouvoir amener des preuves, faut-il encore que les juges veulent t'entendre? Donc là, Trump, il est en train de faire dévoiler toutes les... Pourquoi qu'on a... La Cour suprême, selon c'est l'amendement numéro 3 de la Constitution, qui a deux volets. L'amendement numéro 3, il dit, la Cour suprême devrait définir, prendre décision sur des conflits entre les États. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les États qui ont porté plainte l'un contre l'autre, ils ont dit, oh, non, on s'en mêle pas. Ils n'ont pas d'affaire à faire ça. Pas vrai. Autrement dit, Pas vrai. serait censé jouer un rôle d'arbitrage entre les Oui, États pour exactement. déterminer là, qu'est-ce qui va être au Ouais, ça pouvoir. devrait être entre les États qui se poursuivaient puis qui s'accusaient de corruption. Là, il y a Oui. des États qui accusaient l'autre État de corruption avec supposément des preuves. La Cour suprême refuse de regarder ça en disant on s'en mêle pas. Mais dans l'amendement, allez-y, dans la Constitution américaine, faire vos devoirs, parce que moi je l'ai fait, je l'ai lu, l'amendement 3. C'est inscrit que la Cour suprême devrait intervenir là, prendre position. Ou l'autre option, c'est que c'est tellement gros que ça relève de la trahison. Oh. Ah, étape numéro 4 de Trump, je dévoile que la Cour suprême ne veut pas prendre ses responsabilités parce que c'est corrompu. Puis en plus, probablement que là, il est en train de démontrer qu'il y a eu de l'infiltration dans les élections à partir de l'étranger, qui est en contact avec du monde à l'intérieur. Trahison. Trahison dans l'amendement 3 de l'option 2. J'ai tout mêlé. Ça dit, là, c'est le tribunal militaire qui doit débarquer pour faire de l'ordre là-dedans. Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient? Le tribunal militaire. Donc, autrement dit, Yeah. les forces militaires prendraient le contrôle aux États-Unis, bientôt. Quelle forme ça va prendre? Je ne sais pas si c'est tu sais, la loi martiale. Je ne sais pas s'il va jusque-là, mais il a le droit. Là, il y a la preuve qui apporte qu'il y a eu. Là, il s'est confirmé avec les machines de Mignonne. Dans les derniers 2 jours, j'entendais qu'ils ont des preuves là, que c'est vraiment de l'étranger, ça rentrait à fond la caisse. Alors là, c'est là où il va pouvoir sortir là, sa petite loi qu'il a votée en 2018. Trump, il a signé il appelle ça un billet d'exception, je ne me rappelle pas. Vous m'excuserez, je n'ai pas beaucoup de mémoire sur les mots. Je perds beaucoup la mémoire Il n'y a des pas de mots. souci. Mais il a voté une loi en 2018 qui dit que s'il y a ingérence étrangère dans les élections américaines dans l'avenir, telle disposition, c'est là où il y a la disposition de faire rentrer la loi martiale. Ce qu'il va agiter sous le bout du nez si les gna-gna-gna de corrompus continuent à faire semblant qu'il n'y en a pas eu de problème. Puis il va les amener jusqu'au bout, tu te dis, je suis pas sûr qu'il va pas se déclarer, moi, le 20 janvier, là. Parce qu'au niveau de la Constitution, il n'y a pas de date à part le 20 janvier midi. Exact. La prochaine date, c'est le 20 janvier. Mais là, on entend. Ben là, ça va être le 14 décembre. Ben non, ça va être le 18 décembre. Ben Ben, non, c'est ça parce va être qu'il y le avait les 6 décembre. grands électeurs, si je ne me trompe pas, c'était le 16 décembre, qui devaient voter par rapport aux élections. Puis là, Après ce congrès. ouais, c'est ça. Mais j'ai pas suivi à savoir si on votait ou non pour Trump ou Biden, là. Quel des deux que les grands électeurs auraient élus? C'est revenu Biden aussi, ça, mais en tout cas, c'est ça, je vous dis, là, rendu là, c'est beaucoup d'affaires que je ne suis pas moi-même, parce que je ne vais pas passer mes soirées à écouter ça, là. Moi non plus. Mais, ça s'en va jusqu'à là, quand la Cour martiale va débarquer, c'est que l'armée est mandatée pas pour prendre position contre ou pour un parti, mais pour voir s'il y a eu corruption, s'il y a eu fraude. Là, c'est eux qui vont soit décider de refaire une élection, ou ils vont décider de prendre les votes. C'est eux qui vont reprendre tous les votes, puis ils vont éliminer tous les votes pas légaux. Parce qu'il y en a plein de votes pas légaux aux États-Unis, des votes. Il y a des gens qui parlent de 100 puis 500 000 votes qui sont tous allés à Biden à 95 %, sans plis, ils n'ont même pas de plis, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de signature, c'est des copies, hein, c'est des copies de. Mais la machine Dominion, retenez ça, là, ça va sortir, les chiffres, ils vont démontrer que ces machines-là qui sont implantées aux États-Unis dans certains États fonctionnent pour frauder les élections. Là, ils en parlent déjà avec le Venezuela. Ça a commencé au Venezuela. Mais je vous le dis, c'est sûr que c'est Trump. Je suis désolée pour vous, ceux qui prennent pour Biden. Là. Vous, je m'en crie, ce soit. Franchement, là, je suis pas. Mais c'est sûr que c'est Trump. Oui, Il ben, était élu par le peuple depuis longtemps. on verra bien qu'est-ce qui va en venir de ça. C'est sûr qu'on pourra s'en reparler, là, parce que c'est quand même bientôt, là, je veux dire le 20 janvier, au moment où on fait l'entretien, ben, c'est à peu près un mois, là. D'ici un mois, en réalité, on va être branché à savoir c'est quel qui va être élu, sauf si un coup de théâtre, puis justement, l'armée prend le contrôle, puis il y a un délai peut-être de 120 jours pour pouvoir faire des élections. Ben, c'est pas, ça va, c'est pour ça qu'on parle de se protéger un peu pour les prochains mois, parce que nous, le Canada, on est à côté. Fait que si aux États-Unis, la loi martiale débarque ou l'armée débarque pour X raisons, ça se peut qu'il y ait eu des ruptures de rup moi, Des tu sais, ruptures d'inventaire, là, tu sais, que ce soit. le Canada, il est pas, je sais pas si le monde a remarqué, mais Pompeo, il est pas venu au Canada. Non. Je ne sais pas si le monde sait de quoi je parle, je n'ai pas le goût de l'expliquer, mais ceux qui suivent comprennent ce que je veux dire. Pas sûr qu'on va être content d'avoir des Trudeau comme premier ministre bientôt, moi. Parce que là, il s'est mis carrément en amenant une partie. On sait maintenant qu'il entraîne des membres de l'armée chinoise aux frontières ontariennes-américaines. Je ne sais pas si c'est le temps d'aller mettre des Chinois là, moi, sur la frontière. Hein? Quand Trump est en train de parler de fraude des Chinois. Oui, c'est ça, puis de guerre En fait, économique tu fais avec la quoi? Chine aussi, Hein? puis de guerre économique aussi avec la Chine en même temps. Puis là, c'est sûr que, bon, en lien avec ça, il y a des... Oui? Si tu veux, j'ai un flash, là, c'est pas Oui. simple cette affaire-là, parce que. Écoutez bien, les amis. Il faut faire la distinction entre Deep State mondial, le Deep State, toute l'oligarchie, les L'État gens qui profond. font l'argent, versus les gouvernements. OK? En Chine, là, c'est étrange qu'à un mois des élections, ils ont envoyé, puis là, ils ont la preuve de ça aux États-Unis, de 400 millions de dollars par une filière facilement détectable pour financer des affaires concernant les élections. Ils sont assez épais, les Chinois, pour se tirer dans les pieds? Non. Il y a quelque chose, il y a du coulage qui se fait. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais il y a un jeu d'arrière-plan. 400 millions des Chinois un mois avant les élections qui ne se protègent pas. C'est comme si tu laisses tes empreintes sur une tasse, tu viens de tuer quelqu'un, tu attends qu'on vienne te chercher, là. Ça peut être une opposition contrôlée, visible pour la masse, pour donner, nous amener sur une piste, mais pendant ce temps-là, en coulisses, il se passe autre chose. Moi, ce que je pense, c'est que Xi Kli, là, en tout cas, la personne responsable en Chine du gouvernement, et puis Deep State chinois, c'est pas la même chose. OK. C'est peut-être pas lui qui fait le président de la Chine qui fait partie de Deep State. C'est peut-être sous chantage du Deep State qui est pogné qu'eux autres, lui. Comme notre premier ministre Trudeau qui est sous chantage, comme notre premier ministre Legault qui est sous chantage de ces gens-là, Sont qui sous ont les influence. preuves de leur malversation, puis qui c'est comme ça qu'ils font chanter. En tout cas, je vais juste vous donner une piste. C'est très complexe, la politique C'est internationale que je sûr, vous fais. mais tu sais, si je caricature un peu, parce qu'à l'origine, quand Trump avait été élu, il y a des gens qui disent, ah, ben c'est l'influence des Russes qui sont derrière ça. Puis là, derrière Biden, puis son fils qui a fait des transactions avec les Chinois, ben on va dire c'est la Chine qui est derrière. Fait que là, quand tu regardes ça, puis je caricature. Biden, c'est pas avec l'Ukraine. Ben en tout cas, moi, ce que j'avais entendu parler, c'est que son fils avait des affaires avec la Chine. Sûrement. Puis, dans le fond, bon, il y a Ah, mais des. des affaires avec la Chine, pas très clair ça. Non. Des affaires avec le gouvernement chinois ou des affaires avec le Deep State chinois en Chine, les entreprises multimilliardaires à Hong Kong, genre. De quoi Non, on parle? c'est pas clair. En fait, malheureusement, je suis pas spécialisé dans la politique internationale. Non, mais tu vois-tu ce que je veux dire? Oui, C'est comme. il y a une nuance à faire entre les deux, Ils nous disent, c'est ah, ils font clair. affaire avec la Chine, mais la Chine, c'est gros en crise en passant. Hein? Il y a du milliard de gens. Puis Hong Kong, qui. En tout cas, moi, Exactement, le mais sur le terrain que je voulais t'amener, c'est que présentement, tu as trois superpuissances. Tu as les États-Unis, tu as la Russie, puis tu as la Chine. Puis, c'est sûr que les deux superpuissances autres que les États-Unis, c'est-à-dire la Russie et la Chine, peuvent avoir intérêt de positionner au pouvoir certains présidents américains plutôt que d'autres. Fait qu'eux autres, les deux autres superpuissances peuvent, avec un jeu de coulisses, essayer d'influencer les élections américaines. Mais tu penses vraiment que Poutine, là encore une fois, on n'est pas très précis, mais Poutine, qui a eu sur le cul Deep State pendant des années en Europe parce qu'il est nationaliste totalement, lui en passant, veut faire la guerre à Trump qui défend la même position? Non. Impossible. Ça vient pas de Poutine et de son gouvernement. Ça vient de la Russie, mais du Deep State russe, trou de cul. Ou le gouvernement. C'est ça, je veux dire. Pas clair. C'est la même chose en Chine, c'est la même chose en Iran, c'est la même. C'est ça, je dis. Ils sont implantés partout, les gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas élus. Exactement, mais c'est un petit peu, Ils ça sont fait en arrière-plan. penser au Forum économique mondial qui veulent influencer des politiques d'État-nation. Puis ces gens-là sont pas élus. Les membres du Forum économique mondial, Klaus Schwab, puis les gens des GAFA qui vont siéger avec lui, puis des millionnaires. Ces gens-là cherchent à modeler la civilisation, mais ils n'ont pas été nommés, ils n'ont pas été élus par les gens. C'est ça. Exactement. C'est pas tellement démocrate. Non, non, On mais est c'est ça, plus quand que tu démocrate. regardes le docteur Arruscio Arruda avec son épinglette des 17 objectifs globaux, puis il apporte souvent, il est comme influence par eux autres, mais ces gens-là, au-dessus de lui, ils sont pas élus, tu sais. Puis il va dicter comment que les Québécois doivent se comporter dans le cadre de la crise. Barracuda. Non, on peut plus. Je suis même pas capable de le voir à la télévision, les amis. Je m'excuse, je l'écoute même pas. Je suis pas capable, Ah, j'ai mais rien. t'as manqué quelque chose, là. Hier, là, c'était superbe, là. Jusqu'à quel point ça peut aller, là, la propagande sanitaire, là. C'est qu'il y avait le Père Noël avec François Legault. La vidéo circule sur Internet, là. Puis là, François Legault, puis ça s'adressait aux jeunes enfants. Puis il disait aux jeunes enfants pour leur faire plaisir, ben le Père Noël est considéré en zone verte. Le pôle Nord, c'est pas une zone rouge. Fait qu'il est correct que le Père Noël, il n'y a pas le coronavirus. C'est ça. Alors, bon Québécois. Hostie. Ouais, c'est ça. Puis là, il disait des choses par rapport au Père Noël, que le Père Noël il est considéré comme service essentiel. Fait que lui, il va pouvoir pareil donner des cadeaux. Oui, clairement. Ils ferment les commerces, Il ils ferme les ferment pas salles la. d'entraînement, mais le Père Noël, c'est un service essentiel. Puis l'autre élément, c'était la vaccination. Ici aussi, hein? Vivement ton pote, ta presse. Encore là, ça peut être médicinal, mais ça, la sac, c'est pas sûr que c'est médicinal, là, mais bon. Oui, mais c'est ça. Il y a tellement de corruption là-dedans, il y a Oui. tellement. Oh, c'est terrible. Mais je voulais t'amener sur l'autre élément, c'est que ça s'adresse à des enfants en bas âge. Puis dans le clip, je pourrais mettre un lien en bas, c'est qu'ils vont dire c'est une bonne chose, la vaccination. Puis il fait vraiment la promotion de la vaccination pour que les jeunes soient endoctrinés, conditionnés à vouloir être éventuellement vaccinés. Voilà où j'en suis, moi. C'est Oh! plate ce que je vais te dire, hein, mais moi, je m'en crisse rendu là. Je m'en crisse vraiment. Rendu là, moi, j'ai toujours pris position que je n'irai pas me faire vacciner. Puis, On verra ce qui arrivera, mais je vais m'adapter, mais je ne vais pas oublier ça. Jamais j'aurai de vaccin de ce genre-là, en tout cas. Parce que ce n'est pas des vaccins, premièrement. C'est un mensonge, le mot vaccin. Ça n'a rien à voir avec le vaccin. Ben, c'est une thérapie génique, comme l'expliquait le docteur là, Christian Perron en France. Christian Perron, professeur Montagnier, professeur Toussaint, tout ça, c'est des gens de la science qui me parlent de ça. Non, non, non, merci. Mais ce que je veux dire, c'est. Moi, je te dis, David, tantôt, on disait, puis là, je vais devoir vous quitter bientôt, là, mais je finis là-dessus. Oui. Il n'y a rien qui se fait sur la planète Terre comme évolution sans souffrance. Et du gaz, je conviens que je contiens ce qui se passe, j'attends que ça passe ou j'attends que je puisse faire quelque chose. Pour l'instant, je fais ma vie, puis je vais très bien. Mais je ne me préoccupe pas des. En tout cas, moi, ma job, je l'ai dit d'ailleurs en passant sur ma page Facebook, c'est terminé. 2021, j'ai plus de page personnelle Facebook. J'élimine ma page de yoga sans cité, je la reconstruis. Mais là, Et that's it. je trouve ça un petit peu Ouais. radical, là, tu sais, si tu fermes Ah non, non, c'est clair pour moi maintenant, David. Je me retire de ça. Moi, je t'avais dit, la fonction que je sentais que j'avais, c'était d'informer. J'ai donné toute l'information aux gens. Là, ça ne me tente pas d'entendre des niaiseries. J'ai donné toute l'information que moi, je trouvais pertinente, à mon avis, des références de professeurs, des gens à suivre. Là, rendu là, faites votre job. Moi, là, je décroche. Je ne traînerai pas un boulet. Je vais mettre ma page Yoga sans entité autrement. Je vais la revamper complètement. Mais c'est terminé où je mets de l'information sur ce que je vois, sur quoi je témoigne ou ça sur quoi je lis. C'est terminé. Ma job est faite. Ah, ben je trouve ça dommage parce que je trouvais ça intéressant d'aller voir une fois de temps en temps, tu sais, tu partageais des liens, là. Comment? Tu m'appelleras, je t'enverrai des liens. Ou tu m'écriras, ah, envoie-moi tes liens. Mais je mets plus ça public, c'est fini. Là, je me mets à l'ombre dans l'ombre. Mais en tout cas, c'est Ah, sûr, ça t'appartient, là, comme dans le fond, choix, là, naturellement. Mais le point, moi, en tout cas, personnellement, la façon que je gère ça, c'est quand que je partage des liens. Si je vois qu'il y a des gens qui veulent faire du trouble, ben j'ai bloqué, puis j'ai censure. Tu sais, il y a une fonction. oui, j'ai pas de problème, je les bloque aussi, David, mais le problème, c'est que. Facebook, moi, je fais des choix. Oui. Moi, encourager Facebook, pas trop. Puis en plus, dans quelle mesure ils n'ont pas eu moyen de venir nous chercher, nous faire chier? Fait que je décroche. Là, je me protège. C'est ça, se protéger. Il faut que je protège mon intégrité, ma personne. Puis je vais tout simplement devenir plus, excusez-moi, Il n'y a pas de souci. impersonnel. Mais je suis toujours disponible, puis je serai toujours disponible à faire du privé avec des gens qui sont comme toi, une ligne personnelle, ou je voulais m'en créer une propre ligne, mais ça veut pas, ça me dit non. C'est pas le temps. Il n'y a Dans pas... 2 ans, Comment? moi, vous revenez. Dans 2 ans, ça va être le temps pour moi. C'est pas le temps. C'est pas Oh, un bon temps dans pour partir 2 ans, là, on est 2021, 2022. On est quasiment rendu en 2023 parce que Richard Glenn parlait rendez-vous. Fin février 2023. Ouais, cette semaine, j'ai eu l'information, je savais exactement à quoi je vais servir. Je me suis demandé où était ma place dans cette foutue planète, là. Ça fait 60 ans que je me dis, qu'est-ce que je fous ici? Et là, j'ai compris, je sais où je m'en vais. Là. Fait que, je sais à quoi je vais servir dans les prochaines années, parce qu'on a une fonction, on sert à quelque chose, sinon on Mais crève, tu là, sers t'sais. déjà à quelque chose. Je veux dire, on fait des vidéos ensemble, on peut avoir plusieurs centaines de vues, donc il y a quand même un public qui est là. C'est sûr que Oui. c'est... Oui. Non, mais ça va être plus individuel. Moi, ce OK. que je veux dire, c'est que là, je me rends compte que je vais faire vraiment de l'accompagnement de gens qui vont avoir un besoin. Ça se corse. Bien, c'est sûr que moi, la façon que je vois ça, d'ici 2 ans, si la tendance se maintient avec l'endettement des États-nations puis les décisions qui sont prises, on va sans doute assister à l'explosion du nombre de suicides, le nombre de faillites personnelles, puis l'augmentation de la pauvreté, puis la détresse psychologique. Fait que c'est C'est sûr ça. que ça va prendre des gens, faire de la consultation, puis donner un accompagnement. Ça, pour moi, c'est clair, puis c'est évident. C'est ça qui va arriver. C'est un peu dans ce sens-là, mais je vais m'adresser à des gens qui ont une vibration plus haute que de. Puis je travaillerai pas comme des psychologues. Je vais travailler comme je me pratique. Là, je suis en mode pratique hein, pour ça. Pour pouvoir travailler avec. Bien, à une petite échelle, tu fais déjà de la consultation avec C'est certaines ça. personnes. Fait que tu as juste à élargir le spectre de ton rayon. Puis à ce moment-là, tu sais, ça peut être une option. Ça Hein? s'élargira quand sera le temps. Exactement, exactement. Puis c'est, tu sais, chaque chose en son temps. Sauf que le point, ce que je voulais te dire, c'est que J'ai l'impression que les événements vont s'accélérer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis moi, l'année 2020, parce que ça, c'est sans doute notre dernière émission qu'on va faire là, de l'année 2020. Puis je voulais faire un petit peu en même temps une espèce de petite récapitulation de l'année. Tu sais, des fois, il y a des émissions de fin de l'année comme le Bye-Bye où on reprend les événements marquants ici au Québec. Bien, dans le fond, par rapport à cette année 2020, moi, j'ai l'impression que la crise, parce qu'on a vécu beaucoup de choses en quelques mois à peine, là, il y a eu beaucoup de changements sociaux, le port du masque obligatoire en plein mois de juillet, les élèves masqués en classe, lié à la crise, que moi, j'ai l'impression qu'on a connu une intensification d'événements choc au niveau social, plus que dans les 5 dernières années, là, à 1 an, là. Ça, c'est la façon que je le vois, je ne sais pas pour toi, là. Non, j'adhère à ton affaire totalement, et puis particulièrement le Québec. Québec est très ciblé. Vous écouterez Berthold là-dessus, c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est réellement ça. Oui, parce qu'on a des ressources incroyables, des métaux précieux, comme le lithium. On a, c'est sûr, à Val-d'Or, des réserves d'or. Il y a du nickel aussi dans le nord du Québec, sans Ils compter l'eau sont. potable. Ils sont. Mais je ne veux pas revenir parce que je trouve Berthold très pertinent là-dessus. Ben, je le trouve pertinent tout le temps. J'ai toujours dit publiquement, je l'aime bien. Je le trouve intéressant, mais c'est ça. Il a fait le tour de la question. Je trouve pas que c'est nécessaire que j'en Oui, on rajoute. n'a Il pas besoin a réagi. de répéter l'enregistrement. Donc, les gens qui s'intéressent, vous allez sur ma chaîne YouTube, puis c'est l'enregistrement du mois de décembre de 2020 que j'ai fait avec Berthold, que je reçois une fois de temps en temps, là, comme Mona d'ailleurs. Oui, ben on va se revoir en janvier, mais je vais devoir vous quitter bientôt. D'un, parce que mon chat me tourne autour, vous ne le voyez pas, mais il est autour de moi en voulant dire ça va faire. Ça, c'est mon. Mais vous, moi, mon chat me guide. Ça veut dire qu'il faut que je m'arrête, je suis fatiguée. C'est bien correct. Fait Mais que. tu voulais finir une conclusion, ton année 2020. En passant, c'est l'heure du Verseau qui commence, là. Ben oui, je suis du signe Chanceux! du Verseau. Pardon? Je suis du signe du Verseau. Oui, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. C'est l'année du Verseau. Sérieux, 2021, c'est une belle année pour vous autres. Bon, Au niveau financier, en tout cas, vous allez avoir des chances inouïes. OK. Puis pour ce qui est de l'astrologie mondiale, t'es-tu Oh, je informé suis un pas peu? prête. Non. Non, non, j'écoute du monde. Là, je te fais part de ce que j'ai entendu. Ça n'a absolument rien à voir avec mon contact. J'ai aucune. Je vous le dis, moi, puis le culte. Mon nom est le culte. Oh, j'aime pas l'idée comment c'est compliqué. OK. Il y a pas Je de. sais pas, du tout, la meneur, il n'en venait pas. Il dit si, maintenant que j'ai jamais vu ça, tu sais, t'es comme. Moi, on me parlait de l'astral, on me parlait des entités, je comprenais rien. Je comprenais tout, mais je comprenais rien. L'astrologie. Voyons, donc, c'est ça, cette affaire-là. Mais oui, je comprends aujourd'hui à quoi ça sert, mais je m'aventurerais vraiment pas à vous faire des prévisions. Je Non, ben moi considère non que c'est plus, pas au niveau, tellement meilleur. pas au niveau astrologique là, non plus, là, mais sinon, en fait, par rapport à l'année 2020, y a-t-il un événement en particulier que tu as trouvé marquant? Un événement que j'ai trouvé marquant. Il y en a tellement, hein, Arto. Je parle à mon chat. Moi, je peux juste parler pour moi-même. Le plus marquant, qui moi, ce qui m'a marqué dans ma propre vie, c'est que cette année, je trouve que j'ai intégré beaucoup. OK. Beaucoup. Donc, la paix s'est installée pour moi et non la guerre. Ben, c'est intéressant parce que Il y a des le... événements, tu veux dire, sociaux qui m'ont Oui. marqué plus. Ben, je trouve qu'on est vraiment dans un événement. Présentement, nous sommes dedans l'événement le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans une Troisième Guerre mondiale, mais le monde ne s'en rend pas compte. Oui. Exactement. Puis là, la menace, c'est le virus, c'est pas une guerre de tranchées. Ouais. Non, c'est une guerre mondiale sanitaire. C'est comme ça qu'ils ont pensé pouvoir prendre le contrôle de la planète. Parce qu'ils se sont essayés une couple de fois, ils ont manqué le coup. Cette fois-ci, ils s'essayent par le sanitaire, la peur. Hey, là, le prochain qui essaie d'attaquer, c'est Didier Raoul. C'est débile! Il y a des millions de gens qui le suivent. Mais ils vont s'essayer. Check bien ça, ils vont faire Ben, ça passer. fait Il faut qu'ils plusieurs essaient mois que de ce le faire sont. passer pour un chimiste. Je ne sais pas trop, de faire un charlatan. Okay. En tout cas, ça fait plusieurs mois que se sont essayés avec lui, parce que dans le documentaire Maltraité, je ne sais pas si tu l'as vu, ou Mal Pas soigné, là. encore, j'ai vu Hold Up que j'ai eu bien la misère à respirer après. Ouais, c'est ça, mais il est long, hold-up, tu sais, c'est à peu près 2 h 40, là. Mais l'autre, il est plus court, puis je trouve qu'il est. En tout cas, moi, je suis plus à l'aise avec l'autre, là, Mal traité ou Mal soigné. Il parle d'hydroxychloroquine. Puis tout est bien présenté comme information qu'au mois de janvier 2020, c'est retiré. Il n'y a pas de raison logique. Après ça, Didier Raoult traite des gens, puis dans le fond, c'est comme pas reconnu. Ensuite, l'étude du Lancet qui va discréditer ça. Ensuite, il y a d'autres études indépendantes qui commencent à avoir des résultats prometteurs, puis c'est arrêté. Puis Exact. l'hydroxychloroquine au printemps dernier qui est rendue illégale là, en France, alors que ça faisait au-dessus de 30 ans que c'était utilisé, puis au point... 70 ans. Comment? C'est 70 Ouais, ans mais la c'est ça, c'est chloroquine. encore plus que 30 ans. Puis il y avait des résultats probants, puis une grande quantité de personnes. Puis tout d'un coup, pendant la crise, ah, là, c'est rendu non seulement que les gens ne peuvent plus l'utiliser en vente libre, mais les médecins ne pouvaient plus la prescrire. Fait que là, tout est présenté là-dedans, les faits. Puis là, tu sais, quand tu regardes ça, tu peux dire, oh, OK, il peut y avoir des erreurs, de la distorsion, mais grosso modo, le portrait nous présente qu'à quelque part, il y a eu des gens qui ont voulu discréditer l'hydroxychloroquine, là. Ça, c'est clair, là. Puis ce que tu expliques comme fait, comment c'est fait, là, tout ça, cette déclinaison-là, c'est Oui. exactement pourquoi en cours, il faut prendre notre temps pour arriver à ce même genre d'exercice pour démontrer l'abus. On se comprend? Oui, T'as-tu compris ce que je exactement. dis? Oui, Quand les gens s'impatientent, qu'il n'y a pas de rien qui se passe en cours, là, c'est ça ça, je c'est le exactement comprends. Par contre, le point que je veux ça. faire, c'est par rapport à la nature de la crise présente, c'est que s'il n'y a pas d'actions rapides qui sont faites, si on pense aux petits commerces québécois comme les salles d'entraînement, les restaurants, ben ces gens-là, à un moment donné, vont faire faillite, là. Ils pourront pas C'est sûr. éternellement bénéficier là, de prêts du gouvernement, là, tu sais, à un moment donné, ça sera plus rentable ou les prêts vont être plus élevés que l'hypothèque de base. Il y a une logique qui s'appliquera plus, là, tu sais. Ils peuvent pas attendre 2, 3 ans parce qu'il y en a plein qui seront plus là. Là, c'est sûr, c'est beau. Pendant l'année 2020, il y a eu le respirateur artificiel avec Trudeau qui a ouvert les coffres, puis ils ont eu dans certains cas, des prêts ou des subventions, mais ça sera pas éternellement là. Oui, mais est-ce que le monde comprenne? Ben, en tout cas, là, il va falloir qu'on se quitte, là, Oui, c'est mais beau. David, est-ce que le monde comprenne pas? C'est que ça fait longtemps que l'économie mondiale est sur le respirateur artificiel. Ça fait pas 2 semaines ni un an. Ça fait des années qu'ils sont en train de crever, les banques mondiales, sur le poids. Leur propre plan se plante. C'est pour ça qu'ils essaient de changer ça. Mais que. Non, mais je sais que, dans le fond, depuis la crise qui a eu cours en 2008 aux États-Unis, la crise immobilière, Et ben, le puis il y en a eu gouvernement plein. a renfloué les banques. Parce que s'il n'aurait pas fait ça, ben, c'est sûr que les banques y auraient fait faillite, puis ça aurait été catastrophique encore plus. Ben, encore plus, façon de parler, le ménage, ça serait fait sur le plan économique. Mais à cause que le gouvernement a renfloué les banques qui avaient fait des mauvaises actions parce qu'ils avaient prêté de l'argent à des gens qui n'étaient pas capables de rembourser leurs prêts hypothécaires. Ouais, c'est une crise de prime, les Les primes, le machin. subprimes. Ouais. C'est ça. Exactement. Fait que la bulle immobilière, quand elle a pété, les gens, les banques qui, par avidité, ont prêté de l'argent à des gens qui n'avaient pas la capacité de rembourser les hypothèques, c'était clairement le cas, ben, ils ont comme encouragé le vice. Puis là, les banques ont eu de l'argent. C'est comme quelqu'un qui vole quelque chose, tu le récompenses. Ça n'a pas de sens. Fait qu'en tout cas, bref, il y a un Oui. enchaînement qui Bon. fait que... Comment? Oh, c'est intéressant, mais c'est vraiment ça. Il y avait une grosse banque. Qui a fait faillite à la suite de ça, effectivement, mais c'est une banque privée. C'est ça, mais en tout cas, les banques américaines ont été renflouées, qui ont fait des mauvais prêts. Puis par la suite, ben, il y a comme, depuis ce temps-là, 2008, une stimulation artificielle de l'économie, puis les gouvernements s'endettent, etc. Mais ça crée une espèce de grosse bulle. Comment? C'est pas juste aux États-Unis qu'il y a une surendettement Ah que non, le c'est au niveau international, tous les pays sont endettés de toute façon. ça. Fait que là, ça Puis prend un grand reset. oui, mais les grandes banques dont on parle, les plus grands détenteurs de ces banques-là, c'est des Rothschild, des Rockefeller, des Bronfman au Canada. M'en sais-tu qu'ils fassent faillite? Excuse. Ça me fait de la peine. Non. Puis une économie, ça se reconstruit bien plus facilement qu'on pense. Oui, Il y en a mais pas encore ça. là, c'est de voir c'est quoi les paramètres de reconstruction comme nous le proposent les architectes du Grand Regardez l'exemple Reset. de la Russie, mon cher David. David, Poutine, il a sorti son pays de ces banques-là. C'est ça que je vous disais tantôt. Oui, mais il a mis en place une oligarchie. Tu sais, il a ses amis, puis c'est une oligarchie présentement, la Russie, c'est pas une démocratie, là. Ben, c'est pas une démocratie, mais ici non plus. En passant, nous autres, c'est une caisse qu'on nourrit, c'est l'illusion de la démocratie. En quoi c'est une belle... Ça, on en reparlera parce Oui, que c'est un super exact. Je ne veux pas restaurant. te retenir plus longtemps, là. Fait Là, il faut que qu'on. j'y aille parce que mon souper est prêt, les amis, mais aussi parce que mon chat, il me tourne autour, puis pour autre raison que je vais laisser un peu plus intime. C'est bien parfait. Fait que, écoute, on va compléter l'enregistrement. Donc, pour les gens qui ont apprécié la discussion et qui aimeraient entrer en contact avec toi, que ce soit pour une consultation ou suivre un cours de yoga ou de pilates thérapeutique, je vais laisser tes coordonnées en bas de l'enregistrement. Et pour les gens Merci. qui apprécient le fait que j'anime ces entretiens-là avec toi, ben, vous pouvez, en guise d'appréciation, faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et Interac, dont vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement. Donc, merci, mon nom. Peux-tu faire une précision pour encourager les gens? Je vous fais un Oui. message. Pourquoi je survis à cette crise présentement comme travailleur? C'est parce que le monde me paye. Intéressant. Dans le sens que j'ai un réseau. Moi, je vous encourage un petit montant, qu'il soit 5 $, peu importe vos moyens, nourrir ce réseau. Je m'arrête là-dessus. Bonne soirée. Excellent. Donc, bonne fin de soirée, puis Si, question amenez-en, on aime ça. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Je voulais conclure aussi là-dessus que d'ici notre prochain entretien dans une couple de semaines, ben, c'est sûr que si vous avez des questions pour mon nom, envoyez-les en bas de l'enregistrement présent. Puis par la suite, on va en prendre connaissance. Puis, comme vous l'avez vu à soir, ben, ça pourrait être l'occasion là, de faire la discussion là, à partir de ça, puis d'explorer vos questions. Donc là, c'est vrai. Oui. Je termine avec toi en te souhaitant une Sinon, belle. je vais quelque chose dans mes pantalons qui n'a pas d'allure. Non, exactement. Donc, Je blague. je termine en te souhaitant une belle année 2021 et joyeux temps des fêtes. Merci à vous tous. Merci de votre écoute. Et puis, je vous souhaite une 2021, la paix Exactement. dans votre... O OK. Merci à toi, David. Bonne soirée. Bye bye.